Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast Movies Nerd, un hors-série, c'est pas un hors-série saga comme on fait d'habitude. On a décidé, je vais vous présenter qui on est après, mais une personne avec qui on est s'est proposé de faire ce genre de podcast et on a trouvé ça très bien et du coup on le fait. Ça s'appellera hors-série focus, du coup on va se focaliser sur un seul film et ce film qu'on a décidé... inaugurer ce format est Titanic, évidemment, un film de 1997 de James Cameron. Je suis du coup Axel, un des hôtes de ce podcast, mais je ne suis pas seul, je suis aussi avec Morgan. Morgan, salut. Salut. Comment tu vas? Ça va trop bien et je suis trop content de le faire celui-là. Ouais, j'ai un peu soufflé dans l'oreille d'Eddie l'idée, il n'osera pas le dire. quand même non je suis vraiment trop content et en plus ça va être un podcast mémorable parce que vous allez voir que Eddie et moi on va être en symbiose. Ah total. Oui, pour le coup, oui. Ça va être sublime, ouais. Ben voilà, du coup tu as présenté le 3. c'est pas grave, c'est pas grave, fiche, hein. Du coup Eddie qui est avec nous aussi, salut. Salut, tu vas bien? Mais très bien. Bah nickel, je pense. Du coup, c'est Eddie qui. Du coup, je l'apprends que Morgan a soufflé. Enfin, il y a des sous-intrigues. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Ah, ok, d'accord. D'accord, parce que qu'on avait dû en parler en off plusieurs fois, qu'on s'était dit que ça pourrait être bien. Oui, parler je pense. Juste d'un film. D'un film, ouais. On essaie de trouver un format qui serait adapté. Et puis. Pour l'anecdote, en fait, l'idée m'est venue pour Titanic parce que je flânais sur YouTube. Mmh. Et je suis tombé sur une reproduction du naufrage, mais en temps réel. Ah, moi aussi, par ordinateur. Je la regarde pour m'endormir. Et en temps réel, donc 2h20 à peu près. Ah oui, et, d'accord. Oui. Mais avec des vrais acteurs. Enfin, comment c'est un truc en 3D, mais c'est super bien fait. Ah oui, ok. Et avec des annotations, des bruitages, c'est bien foutu. Ok. et du coup, je me suis dit, mais tiens, ce serait pas mal de parler de Titanic, c'est un film qui s'y prête bien pour lancer un nouveau format. Et puis en plus, il y a plein de choses à dire. C'est connu, c'est... Voilà. C'est un de vos films préférés à vous deux. Exactement. Voilà. Moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Il fait partie de ma sainte trinité filmique, je pense, moi. Oui, voilà. Et moi, je dirais modestement que c'est pour moi le film parfait par excellence. C'est pas mon film préféré. J'ai d'autres films préférés, mais si je dois définir un film parfait, c'est celui-là. Ok, bah très on bien. En parlera plus tard. Ouais. Très bien. Moi, il est dans mon top 10, oui. Enfin, dans mon top 3 même. Ouais. Ah, voilà. Donc, oui, et moi, c'est un film que j'aime beaucoup, hein, mais qui n'est pas non plus, comme Morgan l'a dit, mon film préféré. Hein. Mais dont j'ai beaucoup d'admiration pour. On va rapidement faire le sommaire de cette émission pour vous présenter un peu ce qui vous attend dans cette émission. Tout d'abord, on va vous parler, comme on le fait un peu pour les hors-série saga, notre rapport personnel au film, comment on l'a découvert, sur quel format, à quel âge, etc. Je trouve que c'est toujours intéressant de poser, d'expliquer pour chacun le rapport personnel du film, et ça vous permet d'avoir une idée un peu du contexte de comment on l'a découvert. Je crois que tout le monde se souvient de... Enfin, c'est pas tous les films dont je me souviens comment je les ai découverts, mais Titanic, il y a quelque chose d'indélébile, c'est marquant à vie, quoi. Ouais. La première séance de Titanic, elle est... Voilà. Du coup, on découvrira ça juste après. Ensuite, on passera à l'impact du film sur la culture cinématographique en général. Donc voilà, on parlera un peu de l'impact de Titanic. Ensuite, on vous parlera de notre ressenti sur le film. On parlera de certaines scènes, etc. Qu'est-ce qu'on pense du film en général. On finira, après il y aura une conclusion et d'éventuels souvenirs et anecdotes, tout ça, ce sera un peu mélangé. Du coup, on parlera de notre ou nos scènes préférées, c'est à voir. Et au final, on finira avec une question, on sait pas encore j'ai pas encore de réponse claire et nette, je pense que je vais un peu y réfléchir pendant le podcast, quand on en parlera, je pense que j'aurai peut-être des idées. Mais je pensais que c'était intéressant vu que avant ce Titanic de 1997, il y a eu quand même d'autres adaptations au cinéma et en mini-série, etc. Depuis ce film. Dont une avec Catherine Zeta-Jones, exact, je crois. Que j'avais vu, je crois. Moi, je n'ai vu aucune de ces adaptations. Mais du coup, Depuis ce film de 1997, il n'y a plus aucune adaptation de l'histoire du Titanic. Du coup, on va se poser la question, est-ce que si Hollywood, d'autres, enfin voilà, si, bah si on a eu le mockbuster, voilà. Titanic Odyssée 2012. Oui, voilà, c'est parfait ça. Ah, mais c'était très mémorable d'ailleurs. Mon Dieu. Mais même pour un mockbuster, c'est. Je l'ai pas vu, hein, mais. C'est mauvais. Je crois avoir vu des images et ça avait l'air assez. Bah, je crois assez que il y a carrément des scènes où. Bah, tu sais, c'est dans des décors en béton, en fait. Ah oui, ouais, bon, voilà. Bah, de toute façon, voilà quoi. Ce genre de film n'a pas vraiment trop de budget, donc bon. Ça ne m'étonne qu'à peine. Mais ouais, du coup, on se posera la question quel réalisateur, réalisatrice, acteur, actrice on verrait pour une histoire sur le Titanic. Pas forcément faire un remake de 1997, parce que bon, on verra si vous avez des idées sur qui pourrait faire un remake du film de James Cameron, on sera preneur, mais on parlera de ça en fin d'émission du coup, et on va passer tout de suite à la première partie de cette émission, du coup notre rapport personnel au film, et j'aimerais commencer avec l'instigateur du podcast, celui qui a eu l'idée, Eddie, comment as-tu découvert Titanic, sur quel format, etc. Moi, le film, je l'ai découvert. Alors, j'avais 7-8 ans, je crois. Mm-hmm. J'avais moins que ça, du coup. Je suis né en 91, il est sorti en 97, donc j'avais 6 ans. Et ouais. Du coup, je l'ai pas découvert au cinéma parce que j'étais quand même trop petit encore. Oui, à 6 ans, c'est un peu dur. Hein. Ouais, un film de 3 heures en plus. Oui, c'est pas forcément le film en lui-même, mais c'est plus la longueur, en fait. Ouais, je pense aussi. Ouais. En fait, je l'ai découvert par le biais de mes sœurs, qui, elles, l'avaient vu au cinéma. Et donc, il y en a une qui avait vraiment aimé le film, parce que voilà. Et puis, forcément, ma sœur qui était ado à cette époque-là, elle était totalement amoureuse de Leonardo DiCaprio. Ouais, voilà, mais elle a fait partie de la DiCaprio-mania, comme on disait à l'époque. Mm-hmm. Et du coup, elles ont fini par l'acheter, et c'est comme ça que je l'ai découvert, en fait. De quoi, DiCaprio ou... Non, elles ont fini par acheter le film. Au marché. Ouais, exactement. Non, elles ont fini par acheter le film, et je l'ai découvert, en fait, à la maison, en VHS. Ça m'avait déjà marqué à cette époque-là. Alors, pas forcément l'histoire en elle-même, mais c'est tout le naufrage, hein, évidemment, qui m'avait marqué, parce que je trouvais ça... Ça m'avait impressionné, en fait, parce que c'était très réaliste. Ouais. Et après, dans le temps, je l'ai vu, revu, je l'ai acheté en DVD, j'ai acheté le coffret Prestige, là, le coffret avec le fourreau bleu, il y a 4 DVD dedans, enfin, il est superbe, ce coffret. Je l'ai vu en VHS, je l'ai vu en DVD, et je l'ai vu pour la première fois au cinéma en 2012 quand il est ressorti. En 3D, il me semble. En 3D, c'est ouais. Ça, ouais. Et bah, c'était 3D. C'était surtout c'était vraiment pour le voir sur grand écran. Hein. Oui. Je me foutais un peu de la 3D, même si ça allait, c'était pas si dégueulasse que ça. Et ce qui était étonnant, c'est qu'il avait super bien marché à la ressortie, parce qu'on s'était pointé un samedi soir au cinéma, on avait été obligé de revenir le lendemain parce qu'il n'y avait plus de place. Et donc, découvert au cinéma en 2012, j'ai continué de le revoir après tranquillement. Il est sorti en Blu-ray, évidemment, je l'ai acheté en Blu-ray. Et je l'ai vu là pour le podcast la dernière fois, et la fois d'avant, c'était en ciné-concert. Voilà. Je crois que j'en avais parlé dans un podcast. J'avais dû en parler en Minute Nerd, ouais. Ouais. Donc là, pour le coup, je pense que c'est vraiment le film que j'ai vu sur tous les supports possibles. Pas Laserdisc. Non, pas Laserdisc. C'est un peu comme Jurassic Park, en fait. Lui, je l'ai pas vu en ciné-concert, mais j'aimerais bien. Voilà. C'est vraiment les deux films que j'ai vus, tout support confondu. Ouais. J'ai parlé de Laserdisc. Titanic fait partie des premiers vrais films que j'ai vus, parce que moi, je regardais beaucoup de dessins animés avant. Bah, à 6 ans, même. À 6 ans, j'étais bercé au Disney et Titanic, finalement, c'est le premier film en prise de vue réelle qui m'a vraiment marqué, quoi. Ouais. Ben, voilà. Ok. Ben, super. Morgane, dis-moi tout. Alors, moi, je me souviens que le film était passé à la télé. Je sais plus quel. Enfin, j'étais petit. Hein. Le film était passé à la télé. Je crois que c'était la première diffusion télé sur TF1. Ok. Parce que ça avait été un événement, je me souviens, il y avait vraiment eu limite un décompte tout au long de la semaine. Je crois me souvenir de ça. Mais 11 Oscars. Ils avaient, voilà, ils avaient diffusé le film en deux parties. Et c'était un mardi soir, c'était le fameux ciné-mardi de TF1, je me souviendrai toujours. Ah, c'est vrai, le jingle et tout. Ouais. Le jingle était magnifique. Ouais. Oh mon Dieu, ce temps me manque. Le ciné-dimanche aussi, c'était bien. Ouais. Mais je ne pouvais pas regarder des films, j'avais école le lendemain. Et, ah oui, mercredi. Et je me souviens qu'ils avaient diffusé la première partie. Donc qui se coupait net avant le début où l'iceberg rentre en collision dans le Titanic. Ouais, c'était en 2001 sur deux soirées. Exactement. Ouais. Ouais, je m'en souviens. Et en fait, ça avait été le 19 et le 20 novembre 2001. Eh ben, on a des années. Ça a été vu par 7,7 millions de téléspectateurs. Ah ouais, mais et 8,2 millions pour la deuxième. Donc c'est quand même assez énorme. Alors moi je l'ai pas vu en direct à télé parce que j'avais école je crois le mercredi matin. Non, je sais plus. Bon, en tout cas, mon père l'avait enregistré. Voilà. Il l'avait enregistré, il m'avait dit non, regarde pas la première partie parce que tu vas t'ennuyer en fait. Moi, il voulait vraiment me montrer la partie, crash. On va dire le crash où les gens meurent ou c'est le désespoir. Et je n'ai vu la première scène que j'ai vue de Titanic. Ça va t'apprendre la vie. Non, mais la ne première monte jamais scène sur un bateau. C'est ça. Oh bah, surtout pas avec mon père, surtout pas aujourd'hui. Je le jette par-dessus bord. Et la première scène que j'ai vue de Titanic, c'est pas le début, ça, hein, non, c'est la scène où j'entends la cloche avec le fameux putain de merde. C'est la première scène que j'ai vue, je croyais que le film commençait ils comme disent ça. Putain de merde dans la VF. Ah oui. Ah oui. Ah oui, d'accord. Oui, ils sont assez crus. Oui. Ok, d'accord. Okay. Oui, oui. Ah oui, bah attends, faut pas semblant. Hein. Oui, ils vont pas dire oh, crotte. Non, ah, non, c'est comme un. Ça fristille. C'est comme un jeu de CD Projekt. Diantre, mon Dieu. et je me souviens avoir vu ça. J'étais sur canapé avec mon père et tout. Et j'ai eu vraiment cette espèce de choc avec cette impression. Alors que mais quand on est petit, on est facilement impressionnable. Mm. Mais là, il y a vraiment eu ce côté, ce que je vois. J'avais vraiment cette impression. Alors, je savais que c'était vrai puisque mon père arrêtait pas de me le répéter toutes les 5 minutes. Tu vois, ça s'est passé. Il y a vraiment eu des gens qui sont morts comme ça. Mais je vous jure, c'est vrai. C'est la meilleure anecdote. Non, mais je vous jure. Mais là, il fait ah oui, hein, puis tu sais, puis lui, là, le commandant, il s'est vraiment tué dans sa cabine. Hein. J'avais papa, je suis jeune, innocent, laisse-moi kiffer. Non, mais voilà. Et c'est vrai que j'ai eu vraiment ce choc de quand j'ai vu ces images que je n'avais jamais vues au cinéma, pourtant j'avais vu des films, effectivement des Disney, même si j'ai commencé avec les films d'horreur très tôt. Hein, ah. J'ai commencé Chucky à l'âge de 5 ans. Oui, mais vraiment, la Titanic, c'est la première histoire que je savais réelle. Oui, c'est et ça de ça me aussi, dire que. Ouais, déjà, on m'avait prévenu, on m'avait dit ça, c'est vrai. De me dire que ça s'est passé. Mm. Et en termes de fidélité, de reproduction, tout ça, il y a vraiment quelque chose, on en parlera après parce que le film ne vieillit absolument pas. Mm. Je l'ai regardé avec un regard, mais il faudra, en termes de fidélité, il faudra en reparler. Mais par contre, je pense qu'en termes de fidélité, d'émotion, je pense que fidélité historique, il y a quand même des petits. On en parlera. Oui, il y a des petits bémols. Mm-hmm. Mais c'est vrai que en voyant ça, j'ai eu ce premier choc réel qui fait que waouh, j'ai vu quelque chose qui m'a. Pourtant, j'avais déjà vu Terminator 2 avant, qui m'avait aussi remué. Mmh. Mais là, Titanic, il y a eu ce quelque chose parce que je savais que c'était une histoire vraie, parce que je savais que ces gens ont vraiment péri dans ce naufrage. Et aussi, dès le plus jeune âge, j'ai commencé à découvrir mon amour pour le même sexe que moi. Mmh. C'est-à-dire que DiCaprio ne me laissait pas indifférent du haut de mes... Oh, je devais avoir 9-10 ans. Mmh. Donc, alors que moi, j'en avais rien à foutre de l'un comme de l'autre. Hein. C'était handicap. Et puis, c'était aussi mon premier moment érotique au cinéma. Parce que après j'ai vu la première partie. Oui, parce que je me suis dit là de tu la nous... main là oui forcément oui. C'est la première fois que j'ai vu des gens faire crac crac. Oui. Et du coup ça m'a fait bizarre. Putain, mais c'est fou, on a la même anecdote. Non mais oui. la VHS tout. Bref. J'ai quand même dû demander à ma mère pourquoi ils étaient mouillés dans la voiture. Mm. Je vous laisse imaginer ma mère la dextérité de sa réponse parce qu'elle fallait pas trop qu'elle m'explique non plus en détail. Maman, pourquoi la voiture elle est mouillée? Pourquoi ils sont mouillés? Enfin, c'est très drôle, maman, paix à son âme. Et non, vraiment, Titanic, ça a été mon premier visionnage, ça a été en VHS, enregistré avec la pub de TF1 au milieu. Mais je me souviens surtout de l'événement autour, même dans les guignols de l'info, ils avaient fait un sketch là-dessus parce que la diffusion sur TF1 était événementielle. Mmh. Et tout le monde ne parlait que de ça. Même dans ma famille, ah, ce soir il y a Titanic, on regarde, ah, moi je l'enregistre, demain je bosse et tout. C'était fou quoi. C'est ça, vraiment, c'est pas évident à caser quoi. Déjà, oui. Et un événement qui, après, je l'ai su après, l'événement en salle et tout, le raz-de-marée que ça a suscité, mais même pour sa première diffusion télé, il y a quand même eu un côté événementiel. Tout le monde devait être devant le poste à ce moment-là. Ouais. Bah, c'était l'époque où les gens se réunissaient quand même devant la télé aussi. Hein. Ce qui se fait moins aujourd'hui quand même. Non, mais c'est clair. C'est vrai. C'est clair. Mais quoique Titanic, il a beau être sur les plateformes, enfin, il a beau être sur Disney+, à chaque rediffusion télé, vous allez voir sur Twitter, les gens en parlent, les gens le regardent, le re-regardent. C'est sûr. C'est le film qui mais il fait toujours des cartons d'audience. Hein. Oui. Mmh. Ouais. Alors, déjà, pour poser le contexte, parce que Eddie a dit, je l'ai beaucoup vu. Toi, Morgane aussi, je sais que tu l'as beaucoup vu. Le film. Oh là, oui. Je l'ai même pas. Je voulais le revoir, mais je le connais par cœur. Donc, ok, voilà. Moi, je l'ai vu 3 fois dans ma vie. Voilà. Mmh. Du coup, bah, j'aurais un regard un peu plus. Je connais un peu moins le film par cœur. Je connais pas toutes les scènes par cœur. Voilà. Voilà. Du coup, moi, quand je l'ai vu pour la première fois, il me semble que c'était à peu près aussi. Je pense que c'était cette diffusion de 2001. Ma mère l'avait enregistré. T'es pas vieux, toi. Ben, 6 ans, du coup. Oui. 2001. Il avait déjà cette grosse voix. Maman, bah, j'espère pas, parce que ce serait flippant quand même. Mais du coup, ouais, ma mère l'avait enregistré. Ça, je m'en souviens très bien, puisqu'on l'a vu. C'était un dimanche. Un dimanche, elle nous avait proposé de le regarder avec ma sœur. Du coup, les deux parties, elle avait enregistré les deux parties, et puis on le voyait ensemble pour la première fois. J'ai quelques souvenirs du film quand même. Je me souviens de l'iceberg qui frappe le bateau, j'arrive pas à me souvenir si ma mère m'avait expliqué que c'était une histoire réelle ou pas, parce que voilà, je pense que à 6-7 ans, c'est quand même un peu dur à regarder. Et même, il y a quand même beaucoup de gens qui meurent et dans d'atroces souffrances. Mais dans ce film, finalement, quand j'y repense. Donc, du coup, j'avais vu un film plutôt sympa. C'était la première fois que je voyais une femme nue aussi. Hein, plutôt sympa. Tant qu'à faire. Voilà. Ah. Rose Dewitt. Tant qu'à faire, autant que ça soit Kate Winslet, du coup. Oh, oui, voilà. Ça va. On va dire que c'est pas non plus. Vaut mieux voilà. Kate Winslet que Yolande Moreau, c'est sûr. Voilà. Non, je vais pas. Voilà. C'est pas sympa. Mais ouais, non. C'est pas gentil, voilà. Mais c'est rigolo. Pardon. C'est pas. Voilà. non mais j'ai rien dit du coup. Oui, non mais j'assume non. Le propos. Oui, non. Je suis un vieux connard. Oh, non. et du coup bah oui voilà, le film avait plutôt marqué. Après le truc que je crois me souvenir, c'est que comme ma sœur était plutôt jeune, du coup elle a 2 ans de moins que moi, donc elle avait 4 ans, on mettait souvent pause le film et je crois qu'on n'a jamais pu voir la fin. Je crois que j'avais pas vu la fin avec Rose sur la porte. Il me semble pas l'avoir vu. T'as été préservé toutes ces années du débat de la porte, en fait. Voilà, le truc c'est que bon, après quand tu t'intéresses au milieu cinéphile, etc., tu en entends parler, tu vois des extraits tout le temps de ce film, donc forcément je connaissais tout ça, mais j'avais pas revu le film depuis mes 6-7 ans, j'ai un doute si elle nous l'avait montré dès mes 6 ans. Mais bon, c'est pas la question. Voilà, c'était un premier visionnage plutôt. Enfin, ça avait quand même pas mal marqué. J'y repensais quand même pas mal. Surtout, je me rappelle, dès que les gens commençaient à tomber du bateau, ça m'avait plutôt marqué et je trouvais ça plutôt flippant. Et surtout que j'avais le mal de mer, enfin je savais que j'avais le mal de mer puisqu'on avait fait un voyage en bateau une ou deux années avant de voir le film, et du coup ça m'avait encore plus traumatisé, je crois, du bateau. Maintenant, ça va mieux. Hein. Je peux prendre le bateau, il n'y a pas de souci. Même si je n'en ai pas à proximité là où je suis. C'est vrai que tu n'es pas vraiment dans la région. Au milieu de la Terre. Voilà. C'est sûr. Mais bon, c'est pas... Voilà. Et du coup, je pense l'avoir revu pour la deuxième fois en 2019 avec ma copine quand on a acheté le Blu-ray. Voilà. et la troisième fois avant de voir ce podcast. Avant de faire ce podcast, pardon. Du coup, j'ai un regard plutôt frais sur ce film, entre guillemets, même si, évidemment, entre ces périodes, j'ai vu beaucoup d'extraits. Quand tu regardes des documentaires sur le cinéma ou n'importe quoi, t'as une chance sur deux qu'on te parle de Titanic. Quand tu vois même des émissions sur YouTube, etc., on te parle de Titanic. Enfin voilà, c'est un film qui, évidemment, a marqué, etc. Donc du coup, même si tu vois pas souvent le film et même si tu l'as vu que une ou deux fois dans ta vie, tu es quand même imprégné par ce film et tu le connais quand même. C'est un même film si qu'on tu l'as connaît pas sans vu. Avoir vu. Oui. Exactement. Je pense que c'est ce genre de film vraiment qui est tellement présent dans la culture Là, je fais la deuxième. je fais déjà l'impact. On peut passer à l'impact du film sur la culture cinématographique et en général. Ouais. Mais je pense que le film est tellement imprégné dans la culture populaire et culture générale que, du coup, même si tu l'as pas beaucoup vu ou si tu l'as même pas vu, tu le connais quand même un petit peu parce que tu connais I am the king of the world ou je suis le roi du monde. Voilà, il y a des répliques qui sont tellement cultes que même tu les refais, tu ne sais pas que ça vient de... Enfin, peut-être des gens qui ne savent pas que ça vient de Titanic hein, et qui les refont parce qu'ils ont vu d'autres gens le faire et qu'ils ont trouvé ça drôle. Enfin, voilà, ce film a vraiment un gros impact sur la culture cinématographique et je pense... Je posais la question du coup à vous deux. Selon vous, comment ce film a impacté la culture en général? C'est dur comme question. En posant la question, je me suis dit c'est quand même compliqué. L'impact de Titanic sur la culture populaire. L'impact de Titanic. Peut-être. Ouais. Votre ressenti sur l'impact de Titanic. Voilà. Morgan, si tu veux y aller en premier. Alors, sur la culture sur le monde cinématographique, ouais. J'avoue que je suis pas assez renseigné, je sais pas. Je pense, déjà à l'époque, c'était quand même le film le plus cher de l'histoire. Déjà ça, ouais. Voilà, c'était quand même le film le plus cher. Il a été. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les studios, à la Fox, ils craignaient beaucoup le four monumental. Mmh. Le film était annoncé comme un flop. Mmh. Cameron avait pris énormément de retard. Oui, et même Cameron a dû mettre de sa poche pour. Mais il a sacrifié son salaire et il a même dû rallonger derrière. Ouais. Ah oui, il a dû rallonger et tout. Donc c'était un gros risque parce que il y avait une telle promesse parce que c'était la première fois que un réalisateur allait s'attaquer à un truc comme ça et allait pousser à ce point-là la minutie en termes de reconstitution, en termes d'ambition, en termes d'effets visuels, en termes de prise de vue réelle. Enfin, c'était un monstre incroyable et je pense que ça doit faire partie des plus gros décors jamais construits, hein, honnêtement. Ah bah je pense. Hein. Je pense, ouais, je pense. Et c'est vrai que, alors sur la culture cinématographique, moi je pense qu'il a quand même, vu que c'est un film qui a engendré énormément de millions de dollars, forcément ça a été que du bonus pour les autres productions à venir. Mmh. Là où, ce qui est un petit peu regrettable pour les autres films, parce que moi je considère tellement Titanic comme un peu le film ultime, le film somme, et pourtant il est sorti en 97, et à part peut-être le King Kong de Peter Jackson, qui était pour moi un autre cap dans le genre des blockbusters, j'ai pas vu un blockbuster aussi puissant que Titanic, quoi. King Kong, bon, Titanic, il pour moi, pas. C'est même pas un blockbuster, mais... Par rapport au budget, ouais. Tout ça, ça en est un, mais après, le film est tellement riche, et c'est pour ça aussi qu'on en parlera plus tard, mais le film est tellement riche. C'est un tout, Titanic. Mmh. C'est un film social, c'est un film dramatique, c'est une histoire d'amour, c'est un film catastrophe. Moi, Titanic, ce qui m'évoque vraiment... ce que le film m'évoque vraiment, c'est que au-delà de sa portée d'hommage et tout ça par rapport à la vraie tragédie aussi, parce que c'est aussi une des volontés de Cameron, hein. Je pense que... Enfin, moi, ce que ça m'évoque beaucoup, c'est que c'est un peu un film posthume de tout un âge, en fait, du cinéma aussi. Mm. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est même pas un blockbuster, ça m'évoque plus des films comme comme Ben-Hur, comme Cléopâtre, comme Les Dix oui. Commandements, tout ça. Ouais. C'est, qui sont des blockbusters. Ces grandes, aussi, grandes fresques d'époque, mais qui étaient en fait les blockbusters de l'époque. Dans de un l'époque, sens. Avant qu'on appelle ça des blockbusters. C'est ça. C'est, ouais. Mais de toutes ces, ouais, ces grandes fresques cinématographiques qui durent 3 heures ou plus. Ouais. En fait, Titanic, c'est un peu le dernier témoin de toute cette époque-là, en fait. Et réalisé avec les moyens de son temps, en plus. Donc, c'est pour ça qu'il a quelque chose d'assez intemporel, je pense, en fait, comme film. Ouais, j'arrive pas à trouver de film qui soit aussi monumentesque. Bah, en fait, ouais. Bah moi, justement, moi, j'avais parlé de King Kong de Peter Jackson, parce qu'il marche un peu. Il y a vraiment des. Bah, pareil, Peter, le King Kong, il y a plein de choses. C'est vraiment c'est une histoire d'amour, oui, c'est aussi une fresque, c'est en romanesque. En termes de film fédérateur comme ça, c'est vrai qu'il peut y avoir le King Kong, que beaucoup de gens ont vu et beaucoup de gens apprécient quand même. Après, si on va par là, je pense que Jackson, avec sa trilogie du Seigneur des Anneaux, il fait un peu la même chose aussi. Hein. Ouais, mais c'est pas aussi populaire que Titanic, même. Non, c'est pas aussi populaire, mais c'est quand même très connu. Le Seigneur des Anneaux se rapprocherait de Star Wars en termes de fanbase. Oui, voilà, c'est ça. Non, après, ce qui est très populaire et fédérateur, ça va être à dire, mais je pense que après Titanic, ce serait peut-être encore Avatar. Ouais, bah oui, ouais, c'est possible. Parce que pour le coup, Avatar, il y a beaucoup de personnes venant d'horizons différentes et tout qui l'ont vu et qui l'apprécient, et même des gens qui regardent pas forcément de la SF habituellement, quoi. Ah oui, enfin, moi j'en prends pour témoin ma maman, c'est pas du tout le genre de film qu'elle regarde d'habitude, et pourtant elle a beaucoup aimé Avatar et ça l'a beaucoup touché, donc je pense que après, James Cameron arrive à choper en fait le l'émotion chez ses spectateurs, hein, tout simplement. Bah, il a quelque chose qui parle un peu à l'inconscient collectif, c'est-à-dire c'est un mec qui aime aussi l'idée de fédérer, et que ce soit Titanic, moi je le remarque vraiment, c'est un film qui est aussi comme Avatar à l'époque, mais Avatar je l'ai vraiment vu en salle le jour J, donc c'est encore différent, mais Titanic, je remarque encore aujourd'hui que quand vous demandez à des gens, des spectateurs lambda, j'aime pas ce terme, mais vous voyez ce que je veux dire. Non, mais des personnes qui ne vont pas dans l'analyse ou dans la critique. Ouais. Quel est votre film préféré? Allez. 6 fois sur 10, vous allez avoir Titanic. Les 4 autres, c'est Dirty Dancing. ouais, alors, le cliché, mais... J'exagère un peu. Ouais. Non, mais c'est vrai que Titanic est un film qui met relativement tout le monde d'accord, qui, que ce soit les cinéphiles les plus pointus, bon, il y en a toujours 2 ou 3 qui n'aiment pas, c'est le jeu, oui. Mais en règle générale, Titanic, je vis avec Titanic, quelqu'un qui se fait chier devant Titanic, hein, qui ne comprend pas tout l'engouement autour du film, enfin, qui ne comprend pas qu'il faille 3 heures pour raconter finalement 1h30 de naufrage. Bon. Alors que justement, je pense que ce pourquoi Titanic est un film qui est à ce point fédérateur et à ce point c'est aimé la première par partie public, en fait, hein, c'est pas la deuxième. Hein. Ouais, bah faut faire comme mon père, faut montrer la deuxième en fait. Moi ouais, c'est tout. Mais et le film sera moins long. Ouais. Moi je pense que plus j'y réfléchis à Titanic et plus je comprends ce qui en fait plaît aux gens dans ce film. Pourquoi en fait il y a un public qui est très large? C'est parce que Titanic c'est un film qui est tellement riche, il y a tellement plein de choses qu'on peut aimer. Je pense que les raisons pour lesquelles j'aime Titanic, c'est pas les mêmes raisons pour lesquelles ma sœur par exemple l'aime. Il y en a qui vont préférer et c'est pas ce qui me touche le plus dans le film. L'histoire d'amour par exemple, elle est très belle, c'est une histoire classique de Roméo et Juliette remis au goût du jour, enfin entre guillemets par Cameron. Mais moi ce qui me plaît, c'est surtout que c'était je pense le bah finalement même pour l'avoir revu, ça a encore confirmé ce que je pensais, mais je pense que au final, pour raconter, pour faire ressentir l'émotion aux gens, c'était peut-être le moyen le plus simple et le plus efficace et qui fonctionne. De toute façon, c'était un point de repère en fait. Ouais, c'est un point de repère. D'avoir deux personnages comme ça auxquels on s'attache tout de suite et avec une histoire qui est finalement évidente mais qui fait sens. Et finalement, ça permet à côté de broder avec la réalité et tout ça. Oui, c'est d'ancrer vraiment des émotions qui sont de l'ordre de la pure fiction, de la de romanesque, dans un contexte historique très réel. Et justement, je trouve que le film est très équilibré. Moi, personnellement, ce qui me plaît dans Titanic, c'est vraiment le discours social. Vraiment, c'est un peu. La dernière fois qu'un film. Enfin, après Titanic, honnêtement. Mais c'est moi, un film social, mais après, je pense, oui. Il y a eu Parasite aussi, qui aussi parlait du clivage entre les riches et les pauvres. Et c'est un film qui, en plus. Titanic, il fait pas dans la demi-mesure, c'est-à-dire qu'il est assez frontal. On voit quand même des scènes où on comprend que les enfants vont mourir. Il y a des scènes coupées. La scène où la petite Cora là et tout la là. La petite Cora, on devait la voir mourir et bon, il l'a pas mis parce que le film était déjà long. Et en fait, ils lui ont fait rendre gorge à Cora la nana. mais ça aurait été terrible parce que Ça aurait rajouté encore la petite Ouais, qu'on voit non, embarquer. Mais on se doute. C'est ça qui est terrible, c'est quand bah, le film c'est commence, ça. les gens de troisième classe qu'on voit passer à l'inspection sanitaire et tout, on sait qu'ils vont faire partie des personnages qui survivront pas. Et rien qu'au Et début c'est du pour... film, alors qu'on est vraiment dans l'émerveillement, on découvre le bateau, on découvre la reconstitution, machin, et avec le départ, les machines qui se mettent en route, les cheminées et tout, on est vraiment dans. Mais on a quand même ce sentiment derrière, ouais, alors bon, c'est beau, On mais sait on ce... sait Ouais. comment ça va finir, et c'est déjà tragique à ce Alors que moment-là, ça en avait à peine fait. commencé. Ouais. Ouais. Mais c'est parce que le film ose aussi, bah voilà, montrer ce qui est vrai, et en même temps, toujours avec ce goût pour. Il y a un côté très lyrique, même dans des scènes qui sont. Bah, je vois une des scènes qui me bouleverse le plus, enfin, le plan qui me bouleverse le plus, c'est la scène où il y a la maman qui endort Allez, ses deux enfants. La scène est et le déchirante. couple de Ouais. personnes âgées. Ouais. Dans Et le c'est remis, moi, montré ça avec me une. pouf. Ouais. C'est montré avec un lyrisme fou. C'est-à-dire que là, je me dis, c'est du pur cinéma dans la façon que les choses sont montrées. Il y a la musique en plus de James Horner, on en C'est reparlera, ça. qui est incroyable. Enfin, même si là, c'est pas. Enfin, la chanson, c'est Plus près de toi, mon Dieu, là, jouée par l'orchestre. Mais c'est surtout montré avec un lyrisme. Et je comprends que ça touche parce que peut-être aussi que les gens se sont identifiés facilement, vu que c'est un film qui parle aussi des clivages sociaux. On se range plus dans une catégorie que dans une autre. On se dit, qu'est-ce que je ferais? C'est la première fois aussi que moi, je me suis dit, mais comment j'aurais réagi? Comment j'aurais vécu le truc? Et je pense que c'est la première fois. Qu'un film a su à ce point enfin, interpeller les gens, mais dans leur peur la plus viscérale et en même temps dans leurs émotions de spectateurs. Et je trouve que pour moi, c'est un film unique et qui est sans équivalent à ce niveau-là, et il n'y en aura jamais, mais vraiment. Ben, ça serait compliqué, hein. Faut vraiment, Ah, faut, c'est faut, faut déjà impossible, hein. faudrait trouver un prétexte, un Une prétexte histoire historique à aussi. reparler de tout ça. Ouais. Après, alors bien sûr, hein, si, il y a des films comme la liste de Le Schindler, tout Schindler, ça, ouais. qui sont capables d'amener des questionnements aussi comme ça, et qui montrent toute l'absurdité de l'être humain aussi quand il est poussé dans ses retranchements et quand il est mené. Enfin, voilà, je vais pas arriver à sortir ce que je veux dire, mais vous Non. voyez l'idée. Oui. Mais c'est pas assez sûr, oui. Et qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui avoir le même impact? Après, le truc, c'est Titanic, ça nous touche aussi parce que c'est une tragédie, c'est accidentel. Malgré le fait que Ouais. ils Oui, aient c'est vrai. poussé, ils aient poussé les machines à fond et qu'ils aient voulu crâner en arrivant plus vite à New York et tout, ça reste un accident. Bien sûr, ça fait le lien avec l'arrogance de l'homme aussi sur la nature et tout ça, mais ça reste un accident. Et en fait, Titanic, c'est que ça aurait pu être évité, mais c'est surtout que d'emblée, c'était presque voué à l'échec parce que de toute Ouais. façon, le bateau partait déjà avec des avaries. Le Oui, gouvernail était trop ouais. petit et pas assez de canots de sauvetage. Donc en fait, je pense que c'est tous ces détails-là qui font que cette histoire nous bouleverse parce que C'est inévitable, on sait c'est que ça ça. devait arriver, quoi. C'est ça, c'est inéluctable, quoi. Ouais, Et oui. il n'y a rien de pire finalement que quelque chose qu'on ne peut pas empêcher. Non, c'est sûr, c'est sûr. Voilà. Puis les scènes, puis les répliques aussi, enfin, Non, non, non, mais c'est marquant, j'étais en voilà, train de réfléchir c'est. à ce que tu disais, mais c'est vrai, totalement. Et c'est. Tu changeais une personne, enfin, tu vois, par exemple, le mec qui dit bah, il faut pousser le Titanic pour qu'on arrive plus vite. Bah, tu C'est changes cette ça, ouais. personne par une autre personne, limite, Ouais. ça n'arrive pas. Comme dit l'empereur dans Mulan, un simple grain de riz fait pencher la balance. Mais c'est sûr, hein. Exactement, voilà. C'est totalement vrai comme proverbe. C'est raciste, ça. De quoi? Pourquoi? Mais non, c'est un excellent proverbe, arrête. Voilà, si tu veux qu'on quote l'effet papillon, on va quoter l'effet papillon, mais Ouais. Non mais c'est pour revenir sur ça, c'est vrai, voilà, c'est quelque chose qui. Et en plus, le film, à plusieurs moments avant l'incident, nous rappelle qu'en fait, finalement, c'est peut-être la vanité, peut-être parce que finalement, ce qui a fait que le Titanic a coulé, c'est la vanité, quoi, d'un mec qui disait, bah, en fait, j'ai envie d'arriver avant tout le monde, j'ai envie de surprendre tout le monde, c'est vraiment l'ego, On a quoi. construit le plus gros bateau de l'époque, le plus avancé technologiquement. Bon, ben maintenant, faut faire les fameux gros titres, comme ils disent dans le film, et il faut arriver à New York les premiers et tout. Il y a des gros titres, ils vont les faire, hein, mais. Et d'ailleurs, je trouve que Cameron dénonce bien ça à travers une scène qui est. Parce que le film est drôle aussi, hein. La scène où il y a Rose qui interpelle Monsieur Ismay en lui demandant si elle connaît le, s'il connaît le docteur Freud. Ouais, et en gros, ouais, cette guerre d'ego est aussi futile qu'un concours de buts, clairement. Ah oui, oui, voilà. Et je trouve que on parle pas assez de la drôlerie du film et qui est amené aussi par d'autres acteurs. Si, le film est très drôle. Ah si, si. Très drôle. Si, il y a des passages. Si, si, très drôle. C'est dur, tu vois, de dire. C'est pas ta première pensée quand tu penses à Titanic, quoi. Non, mais il y a même pendant le naufrage, il y a des passages drôles, hein. Ah oui, oui, oui, totalement. Ah oui, tu veux pas marcher plus vite dans ton fauteuil. Ouais, et là, pourtant, on est vraiment sur la fin du film et c'est panique à bord complète, la fin panique à bord de ce qui reste. Et même la scène à la fin, alors je sais, moi, ça me fait toujours rire, je sais pas pourquoi, quand Rose jette son collier qui a fait « Ah !» Je sais pas, ça me fait rire. Ah oui. Je trouve ça rigolo. Bah ouais, je trouve ça drôle. Voilà. Ok. Alors, c'est moi, vraiment la fin. Je pensais pas forcément à ça en termes de mots, mais. Il m'en faut c'est peu, un simple moi, petit cri, voilà. Non, moi, un passage qui me fait rire, par exemple, c'est quand il remonte des ponts les plus bas qui sont immergés et que finalement il défonce une cloison pour arriver à accéder au couloir et qu'il y a un des employés du bateau qui leur dit va falloir payer les dégâts, vous savez, et puis ils leur sortent la ferme là tous les deux en synchro. Bah voilà, ça c'est des petits trucs qui font rire. Ce genre de truc absurde où l'autre leur dit vous allez payer les dégâts, mais bon, tout va couler, espèce de con, quoi. Et justement, sur la partie humoristique, est-ce que les touches d'humour dédramatisent la chose? Aucunement. Non. Parce que c'est ça qui est fort aussi, encore une fois, voilà. Cameron, respect, quoi. Parce qu'on dit aujourd'hui dans les blockbusters, l'intensité dramatique est toujours atténuée par de l'humour un petit peu bébête. Là, c'est je me sens pas très bien, d'humour. Monsieur Stark. Ouais. Ouais, bah là, c'est ça. Bah ouais, finalement, ça atténue la chose et ça la fait complètement disparaître. Que là, bah, toujours l'intensité dramatique. Même quand ils arrivent à défoncer la grille avec un canapé là, et qu'il y a Tommy qui se venge en mettant une espèce de droite là, ouais. Ouais. Ah, mais c'est incroyable. Et puis, et ça fait du bien, ce passage là, du coup. Ou alors, nous sommes assez habillés comme ça et on se prépare à couler comme des gentlemen et nous aimerions un brandy. C'est ridicule, ça dénonce aussi l'absurdité aussi de l'époque. Ouais, c'est drôle, quoi, mais dans le même style, t'as et de la musique pour se noyer. Là, je sais que je suis en première classe. Ouais, ouais, mmh. Voilà. Alors que tu dis, mais oui, c'est. Ouais, non. Oui, parce que par contre, j'ai du mal à le revoir en VO, moi. Je l'ai vu quasiment toujours en VF. Je l'ai vu en VO, en ciné-concert, pas le choix. Et j'avais dû revoir un petit peu en VO avant, mais c'est vrai que c'est plus un film que je regarde en VF pour le coup. Mais elle est pas mal la VF. À l'époque, on faisait des bonnes VF encore. Bah oui. Moi je connais pas, enfin quasiment pas le film en VF, donc je pourrais pas en parler, mais la VO est très bien. Pour toi, c'est pas Titanic, c'est Titanic. Titanic, ouais, c'est ça. Exactement. Mais c'est pas, enfin voilà, non, mais c'est vrai que pour revenir sur ce qu'on disait, je trouve que il y a comme tu disais en fait, Morgane, il y a plein d'intrigues dans ce film. Et il y a plein de sous-textes qui sont un peu... Enfin, ils sont pas tout de suite apparents, en fait. Et c'est ça que j'aime bien. Il y en a qui sont très apparents, hein. Il y a, voilà, justement, la lutte pour les... Non, comment dire... La lutte des classes, voilà, ouais. La lutte des classes, exactement. Il y a aussi une grosse partie féministe, hein, qui... Oui, bah c'est... Voilà. Qui n'est pas cachée non plus, hein, clairement. Voilà, mais du coup, il y a plein de... voilà, de sous-texte que j'aime beaucoup dans ce film et que, comme toi, je pense que la partie, comment dire, lutte des classes et féministe, limite, je préfère ça à l'histoire d'amour. Alors, comme tu as dit, l'histoire d'amour est super belle et voilà, mais c'est pas le truc qui en va... En fait, l'histoire d'amour, elle est narrative. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. Ouais. Mais elle est super bien racontée, hein. C'est vraiment pas le... Oui, non, puis elle est touchante, elle est crédible, elle est... Voilà, c'est ça, ouais. Mais c'est plus les petites scènes, comme t'as dit, Eddie, qui vont me toucher, genre, voilà, le couple de vieux, de personnes âgées, pardon. Bah, c'est la maman qui, comme disait Morgane, je pense que c'est vraiment les deux séquences qui... C'est les deux séquences où, de toute façon, je pleure à chaudes larmes, parce que bah, en fait, c'est que les gens acceptent leur sort. Et ouais, c'est ça. Ça, moi, ça me bouleverse à chaque fois. Je pense que ça doit être aux alentours de la 20e fois que je le voyais. Mais je pleurais à chaudes larmes. Et je renifle, hein, c'est pas juste les larmes qui coulent. Ça me remue. Vraiment. Ouais, oui, non, mais je comprends totalement. Hein, c'est vraiment... Parce qu'en fait, ça me vient, et je suis très content que ça me vienne maintenant. Quand on parle de lutte des classes et tout ça, c'est que finalement, sur un paquebot qui coule, on n'est pas seulement sur la lutte des classes, c'est que c'est un microcosme en fait. Ouais, c'est une micro-société. C'est en fait tout ce qui compose la société humaine réuni au même endroit dans un instant précis et avec un élément avec un élément perturbateur. Voilà. Ouais. Et comment ça se passe dans ces moments-là? Et ben Titanic, ça parle de ça. C'est c'est limite une étude sociologique. C'est sur un bateau, il se met à couler et t'as trois classes sociales. Comment tu fais? Et t'as pas et y a pas la possibilité de sauver tout le monde. Voilà. Ouais. Non, mais et les secours n'arriveront pas à temps, évidemment. Oui, en plus. Non, mais oui, du coup, je suis totalement d'accord avec toi. C'est parfait l'analogie avec le microcosme. On va passer. Je pense que c'est ce qui intéressait Kaamelott, pour tout. Cameron. T'es trop matrixé là. Oh la vache. Là, pourquoi Cameron pas, avec un A et avec un K et deux A. Avec un K. non, mais je pense que c'est ce qui intéressait Cameron dans la tragédie aussi, c'était de pouvoir raconter tout ça. Et puis de pouvoir mettre en scène tout ça. Et à partir du moment où tu mets en scène quelque chose comme ça, en fait, tu peux pas le faire autrement, tu peux pas. T'es obligé que ça soit de la reconstitution comme ça. Ah oui, oui. Minutieuse et tout. Parce que Morgane, t'as dû voir les bonus, les making of et tout ça sur les DVD, mais alors c'est pour ça que j'attendais ce podcast en fait, c'est parce que moi je n'ai rien vu, je ne sais quasiment. Enfin, vraiment très très bons. Hein. Justement, ça fait partie des. Autant je suis pas un croqueur de bonus, de making of et tout, mais pareil, Titanic, le film est tellement impressionnant que il y a eu tout de suite. Pour moi, cette fascination de me dire comment ils ont fait ça. Quand on parle d'impact du film sur la culture en général, c'est le regain. C'est un peu comme Jurassic Park avec les dinosaures. C'est-à-dire que Titanic, ça a relancé les passions pour la tragédie et puis pour les tragédies de bateaux en général aussi. Parce que il y a plein de. Moi, j'avais un résident qui n'est plus là où je travaille aujourd'hui, qui est toujours vivant, hein, qui n'est plus là où je travaille, et qui était passionné du Titanic, mais qui regardait tous les documentaires, qui avait lu beaucoup de livres, voilà. Oui, c'est comme les gens qui sont passionnés par une certaine, enfin, tu vois, par exemple, guerre de sécession, ou une période précise ou un événement précis dans l'histoire de l'humanité. La Seconde Guerre mondiale. Oui. Oui, voilà, il y a plein de passionnés de certaines périodes dans l'histoire humaine, et le Titanic est quelque chose d'intéressant, et puis on peut aller loin parce qu'on a il y a la liste des passagers qui étaient dessus, enfin voilà, on a eu beaucoup de témoignages, il y a des enquêtes qui ont été menées, il y a la société qui l'a construit, enfin il y a eu beaucoup de, mais même aujourd'hui, hein, aujourd'hui tu peux faire un voyage, Titanic en visitant des lieux liés de près ou de loin au paquebot et à son naufrage, et je pense que tu t'occupes un bon moment, oui, tu vas en Irlande, je pense il y a pas beaucoup que de choses voir, à voir. Comment ? Je pense pas que tu pourras le voir sous l'eau parce que. Il y a des voyages touristiques qui se font, mais il faut éviter parce que le problème, c'est que ça abîme l'épave. Ouais, et l'épave, on pense qu'aux alentours maintenant. Dans 20 ans De 2025, elle pourrait s'effondrer sur elle-même. Ouais. Dans 4 ans déjà ? Parce qu'en fait, le problème, c'est que les expéditions scientifiques qui explorent le bateau. Essaye de respecter. Alors, James Cameron n'a pas abîmé l'épave. Hein. Il y est descendu 3-4 fois, je crois. Mais il y a des. Apparemment, c'est ce que ma copine connaissait quand même quelques détails de la manière dont ça a été filmé. Elle me disait au début, c'est des vraies images. Pas tout le temps. Mais il y a des vraies images. Pas tout le temps. La cheminée dans la chambre de Rose, celle qu'on voit sous l'eau, c'est la vraie image. D'accord, c'est un mélange de vraies et de fausses images. Mais c'est ce qu'elle me disait. Et en fait, les sous-marins touristiques, entre guillemets, donc les gros riches à la Jeff Bezos, par exemple, qui se payent le luxe de descendre voir l'épave, en fait, ils se posent sur le pont principal. Ce qui fait que, en fait, ils abîment l'épave en faisant ça. Ils la fragilisent et il y a une bactérie qui s'est développée et qui ronge en fait l'épave aussi. Génial. Voilà, donc la connerie humaine jusqu'au bout, il est tellement au fond, il est vraiment il est au, au plus profond qui soit sur oui. dans cette partie de l'Atlantique là. Mm. Donc bah oui, il est enfin c'est il va de toute façon il disparaîtra, c'est sûr, mais oui, de toute façon avec la pression. Mais il va disparaître plus vite que prévu en fait. D'accord, parce que moi j'avais entendu des trucs comme quoi il serait disparu dans une dizaine, vingtaine d'années. Mais... Celui qui l'a découvert, je sais plus comment il s'appelle, c'est Ballard, je crois. Disait que les expéditions trop régulières fragilisent ce qui reste de l'épave. Et la poupe, de toute façon, est quasiment déjà inexistante maintenant. Ah ouais, d'accord. Là, on a la proue toujours qui est bien visible, mais la poupe, en fait, elle s'est tellement affaissée quand elle a coulé que déjà, elle était très endommagée quand ils l'ont découvert dans les années 80. Mm. Et que maintenant, elle est pratiquement inexplorable, en fait. D'accord. Et pour casser aussi un truc, non, il n'y a pas d'ossement humain. Ça a dû tout être détruit depuis longtemps. Hein. Puis le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts gelés à la surface. Il y a des corps qui ont été repêchés. Et de toute façon, avec la pression et Ainsi sont nés les croustibates. Voilà. et les micro-organismes et tout ça, tout ce qui était au fond. Même les corps qui se sont retrouvés emprisonnés dans des cabines et tout, aujourd'hui, ils sont certainement morts. Mais par contre. Au début du film, à un moment, on retrouve on voit des paires de chaussures à semi enfouies dans le sable et tout. On peut supposer, par contre, ça fait écho à des corps qui étaient précédemment là. D'accord, ok. Donc c'est très glauque, hein, mais. Oui, c'est très glauque. Oui. C'est pas joyeux hein, comme histoire. Non. De toute façon, quand tu vois un film qui s'appelle Titanic, tu sais dans quoi tu te lances. Hein. D'accord. Oui, parce que du coup. Ouais, le truc c'est que je sais juste que James Cameron a galéré financièrement à le faire et que bon, ils ont construit des décors assez impressionnants, mais c'est tout quoi. Je sais pas, je les regarderai, je pense, hein, parce que je les ai dans le Blu-ray. Mais ils sont vraiment intéressants. Par contre, je crois qu'il y a pas loin de 4 heures de bonus. Oui, bon, ça. Voilà, avec après bon scène coupée comprise et tout, mais il y en a ce qui m'avait impressionné, c'est de voir toute la machinerie hydraulique quand ils commencent à faire scènes de naufrage, et en fait ils immergent vraiment les pièces dans l'eau préalable ils t'expliquent qu'ils ont repris les mêmes tapisseries qu'à l'époque, les mêmes machins, ils ont fait faire la même vaisselle et tout, et parfois c'est même les entreprises d'époque qui existaient encore à l'époque du tournage qui ont refourni les matériaux et tout, donc c'est vraiment c'est de la reconstitution. De toute façon, James Cameron, on sait à quel point est perfectionniste. Je sais pas s'il existe un homme plus perfectionniste que James Cameron. Il fait beaucoup de prises aussi. Ouais. Et Kate Winslet avait même dit à l'époque qu'elle ne tournerait plus jamais avec lui parce que le tournage dans l'eau glacée, c'était affreux, quoi. Ah bah, j'imagine. Bon, a priori, elle a changé d'avis parce qu'il me semble qu'elle est au casting d'Avatar. Dans le 2, je crois. Dans Avatar 2, oui, elle est là. Hein. Moi, dans après, le 2 ou les autres, mais... Ça va, elle est sur des fonds verts, c'est pas... C'est ça pas... ira, l'eau sera plus chaude. De toute façon, pour le clin d'œil, il va refaire une scène où elle va être sur une porte. Il n'y a pas beaucoup de portes sur les navires quand même. Ouais. Non, ils vont trouver une feuille qui porte fait de vaisseau. Ouais. Ouais, peut-être. Ce serait drôle. Ouais. Mais et puis ils vont la mettre sur une porte bien large, tu sais, pour histoire de pour faire un gros doigt à tout le monde. Bah, surtout qu'a priori Avatar 2 se passe sur les océans de Pandora, donc. en plus. Pourquoi pas. Du coup, tu parlais de fidélité. Je voulais qu'on en parle un petit peu. Oui. Parce que tu l'évoquais un petit peu avant, tu disais que tout n'était pas très fidèle. Par exemple, moi, tout ce que j'ai repéré, après, je ne suis pas un spécialiste de cette période non plus, donc je ne pourrais pas dire précisément tout ce qui ne va pas, mais pour ce qui est du très reconnaissable, c'est quand même le tableau de Monet et le tableau de Picasso qui ont été peints bien après 1912. Mmh. Des anachronismes là-dessus. Voilà. Alors après, c'est pas ce qui me choque C'est pas choquant, hein. C'est pas du tout choquant, c'était juste pour le dire quoi. Non, mais par contre là, quand on le pour l'avoir revu du coup la semaine dernière et en ayant relu des trucs récents et par rapport à des témoignages, des reconstitutions et tout. En fait, ce qui est problématique maintenant dans le film, c'est que le bateau ne se fend pas au bon endroit. Ah, d'accord. Il se coupe pas en deux au bon endroit, en fait. Parce qu'il se coupe dans le film, il se coupe en deux entre la troisième et la quatrième cheminée. Ouais. Et en fait, dans la réalité, il s'est coupé en plein milieu. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà. Et la poupe ne s'est pas redressée totalement à la verticale. En fait, elle s'est un petit peu redressée parce qu'elle a été entraînée par la proue. Mais ouais. En fait, elle a plus se chavirer sur le côté que s'enfoncer, comme on le voit dans le film. Voilà. Après, dans le film, c'est spectaculaire et ça dénature pas le naufrage tel qu'il est. Mais c'est vrai que si on est vraiment tatillon sur la manière qu'il a eu de couler, bon, ben ça, forcément, aujourd'hui, c'est plus trop d'actualité. Mais à l'époque, c'est ce qui était avéré, en fait. Donc, il n'y a pas eu d'erreur de fait à l'époque. D'accord. C'est juste que maintenant, ben, les nouvelles études et démontrent que bon, ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Oui, donc il n'a même pas fait exprès pour le spectacle, quoi. C'est vraiment non, pas non, de non, sa non, faute. Non, non, il s'est basé sur ce qu'il avait à l'époque. Ouais, d'accord, ok. Bon, oui, parce qu'il y a eu des consultants historiques. Hein, sur oui, le film. Oui, c'est ce que je lisais aussi avant. De toute façon, c'est obligatoire. Pour ce genre de film, ça me paraît aberrant de commencer un scénario sans avoir au moins un consultant historique. Quoi. Non, mais c'est clair. Du coup, on va peut-être parler un peu plus de notre ressenti sur le film. Morgane, toi, qu'est-ce que ça t'évoque ? Qu'est-ce que tu penses vraiment de ce film quand tu le vois voilà. Bah, moi, comme je l'ai dit en début de podcast, pour moi, Titanic, c'est le film que j'estime parfait parce que pour moi, il coche toutes les cases du grand film populaire et du grand film tout court. Et j'ai toujours aimé que le cinéma soit un art fédérateur qui ramène tout le monde. J'ai du mal avec l'élite. J'aime bien l'idée d'aller voir un film et de me dire... Il y a des personnes âgées, il y a des jeunes, il y a tout le monde. Ouais. Et qu'on vive une émotion commune devant un film qui met 95% de la salle, tout le monde d'accord. Et je trouve que Titanic coche vraiment toutes les cases parce que... Bah oui, je suis d'accord. Désolé, il y a le chat. Ton chat est fan de Titanic. C'est pas grave. Voilà. Où ça se trouve, c'est Cameron. C'est Cameron. James Cameron. Très bon, très bon, très bon. Très bon. Je trouve qu'il coche vraiment toutes les cases du grand film parce que c'est à la fois une grande histoire d'amour. Je pense que dans toutes les fictions romantiques du cinéma, bah, je pense que Titanic est peut-être celle dont tout le monde se souviendra oui, le plus. C'est certainement l'une des plus emblématiques, oui. Oui, elle est emblématique. Mmh. En termes de film catastrophe, on est quand même sur quelque chose qui est hallucinant parce que ce soit dans la façon dont il gère sa mise en scène, dans la façon qu'il a de faire exploser tout à l'écran, je trouve que c'est d'une maestria incroyable. Il n'y a pas une faille à ce niveau-là. Avec la musique. Déjà, c'est très rythme. Avec la musique. Enfin, je veux dire que tout s'imbrique très bien dans Titanic, et même en termes de rythme. Et moi, qui suis plutôt sujet parfois à être un peu tatillon sur les films un peu longs, ouais. Voire à m'ennuyer facilement, eh ben oui. Titanic, c'est un film devant lequel je ne m'ennuie ah non, pas, non, et j'irai même plus loin. Titanic, s'il passe à la télé... et que, admettons, je le sais pas, et qu'à 9h45, je tombe dessus, peu importe le moment devant lequel je tombe, je reste accroché. C'est-à-dire que c'est tellement limpide dans sa narration. C'est un film qui est tellement simple à prendre en cours de route, et moi, personnellement, m'embarque facilement, que du coup, c'est je pense, peut-être le film le plus accessible par définition, parce que tellement tout le monde peut y trouver son compte. Encore une fois, moi, ce qui me plaît dans Titanic, c'est vraiment ce que ça dit du clivage entre les riches et les pauvres. Bah, c'est un film qui dit que à l'époque, quand t'avais pas d'argent, tu mourais. C'était comme ça. Il y avait que les privilégiés qui pouvaient s'en sortir, ce qui est peut-être un petit peu encore le cas oui, aujourd'hui. Oui. Mais bon. Et je suis aussi toujours sensible par la façon, parce que quand je le regarde aujourd'hui, je le regarde rétrospectivement en me disant, à l'époque, il parlait de l'émancipation de la femme véritablement, puisque c'est au cœur de son film. Ah, oui. Mais James Cameron a toujours aimé les héroïnes. Hein. De toute façon. Ah oui. Ah bah oui oui, Aliens, bah, de toute façon sans lui Terminator. Sans lui voilà, sans lui Ripley ne serait pas Ripley et Sarah Connor bon oh là là mon dieu, c'était fantastique. Oui. Mais dans ces films récents parce que finalement dans Avatar, bon, le personnage principal c'est Jake Sully mais Neytiri finalement c'est une femme forte et indépendante qui est un peu comme Rose, en fait, elle est pareil, elle doit accomplir son devoir, mais elle cherche à s'en émanciper, en fait. C'est vraiment une constante dans son cinéma, je trouve. Ah oui, totalement. Ah bah, de toute façon, c'est un amoureux des figures féminines. Hein. Et puis, sans justement... alors que Titanic parle justement de ça, c'est un film ouvertement féministe quand même, mais qui ne se vend pas que par ça. En fait, il y a tellement de choses dans Titanic. Ouais. C'est un film qui est extrêmement complet et tout le monde peut y trouver son compte, peu importe ce qu'on veut voir. Si vraiment vous avez envie de voir une histoire d'amour belle, bien racontée, avec des émotions et des scènes qui sont un véritable crève-cœur, la scène où Rose descend du canot et qu'elle saute sur le paquebot et qu'elle court, cette scène, c'est d'un lyrisme fou. Avec la musique, je veux dire, encore une fois, avec la musique. Et d'ailleurs, en parlant de musique, là aussi où la culture populaire, bah, Céline Dion quand même, la chanson de Céline Dion. Je pense que dans le top 3 des chansons de films emblématiques, bah ouais, t'as ça le truc de Whitney Houston là. Par exemple. Oui, Bodyguard. Voilà. Mais je pense que la chanson de film culte par excellence, c'est My Heart Will Go On. Que James Cameron ne voulait pas d'ailleurs. Il a écouté, il a fait oh non, j'en veux pas. Et c'est son frère, je crois, qui lui a dit si, prends-la. Ça va cartonner. Ça va cartonner. Et puis bah, de fait, même Céline Dion, apparemment, elle ne l'aime pas, mais elle la chante pour ses fans. Ouais, preuve que c'est un amour, cet homme. Elle en peut plus. Elle a dit bah, c'est trop quoi. C'est une belle chanson pourtant. Elle dit j'aime pas trop la chanson, mais je peux pas m'empêcher de la chanter pour les fans qui viennent. Ça me fait capoter. D'ailleurs, logiquement, je vais la voir en live l'année prochaine. Elle va la chanter. Ouais, ça doit être un show assez énorme, je pense. Ah, je vais pleurer. Bah oui, même en termes de prix. Hein, oui, je pense, je le prie aussi. Il vaut aussi cher que Titanic. Ouais, bah, à mon avis, tu vas certainement en prendre pour ton argent quand même, je pense. Ouais, si elle annule pas. Ah ouais. C'est le risque. Je devais l'avoir déjà depuis 2020. Enfin bon, bref. Et en tout cas, Titanic, à chaque fois que je le vois, je me dis, mais il n'y a pas d'équivalent. C'est-à-dire... Et puis même, à l'heure où tous les films sont remakés, sont refaits, ça va être une des questions à la fin, il n'y a aucune autre... Alors qu'il y a matière à faire des choses avec le Titanic, je suppose. Oui. Pas un remake de ça. Oui. Mais même sous un autre angle, personne ne le fait parce que je pense que Cameron a déjà... tout fait, il a tout raconté, il a tout dit en fait. Il a mis cette espèce de point final. On peut pas faire plus, on ne peut faire que moins. Après, on en parlera tout à l'heure, mais je pense qu'un film qui ressortirait sur Titanic aujourd'hui, ce serait plus un film finalement qui serait peut-être plus proche de la réalité que ce qu'on sait maintenant en fait. C'est seul intérêt qu'il aurait en fait. C'est sûr, mais le truc, c'est est-ce que ça justifierait un nouveau film ? Je sais pas. C'est ça, en fait. Non, ouais. des nouveaux documentaires. Moi, j'aimerais bien que James Cameron nous refasse un documentaire, par contre. Il en a fait les fantômes du Titanic, qui est beaucoup mieux que ce qu'on nous vend, honnêtement. C'est un mélange, en fait, c'est des images de l'épave et du naufrage. Sur lesquels il implémente en fait les fantômes des personnes qui ont vécu le truc. Donc c'est un petit côté un peu fantaisiste, mais c'est un peu comme avec le film en fait. Il arrive à trouver le juste milieu. J'ai trouvé ça très bien fait. Et je crois que c'est disponible sur Titanic. Ouais. Et de toute façon, Titanic, de fait, c'est un film très homogène, en fait, parce qu'il n'a pas... en fait, tout est équilibré dans les genres, parce qu'il y a plusieurs genres en un, finalement. Mm-hmm. Mais tout est équilibré, c'est-à-dire la partie catastrophe, elle est renversante parce que c'est pas agressif en termes d'effets numériques. Enfin, il y a beaucoup de prises de vue réelles, des maquettes et tout, point que c'est très confondant. On ne sait même pas... moi, il y a des scènes, si on ne m'avait pas dit que c'était une maquette miniature, je ne l'aurais jamais su. Là, je pense à la scène juste après l'explosion du dôme, qui pour le coup c'est une vraie explosion. D'ailleurs, il a failli y avoir un mort pendant le tournage de la scène. Ils ont failli tuer Victor des Feux de l'amour. Il y a la scène juste après, on voit la caméra qui recule avec de l'eau qui s'approche. Donc, et ça, c'est une maquette. Il n'y a rien à l'œil. C'est terrible de voir des beaux décors comme ça se faire détruire par l'eau, mais c'est tellement. Mais ça, je pense que ça traduit. Ça traduit la minutie de Cameron sur... Ah, parce que c'est le mec qui va chercher les vraies tapisseries pour les refoutre sous l'eau 90 ans plus tard. C'est qu'il est quand même... Il est tête dure, le mec, quoi. C'est comme ça et pas autrement. Et c'est surtout qu'il avait envie de le faire, il y croyait. Puis Cameron est un mec de la mer, il adore l'eau, l'océan, c'est l'eau, c'est son élément. Et ça se voit. Ça se Abyss, ouais, ouais, Abyss. Qui est un excellent film. Et super film, ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'attends Avatar 2. Je pense qu'il va être meilleur que le premier parce que là, il est dans son élément. Moi, je veux le Blu-ray de Abyss, mais il le sort pas, ce con. Et moi, je veux surtout. Bah oui, je fais un appel à la Fox là, s'ils m'écoutent, ouais, bah, pour Disney, sortir tous les films. Ah oui, bah je vais les appeler. Oui, j'ai leur numéro. Il ressort tous les films en 4K, machin. Pourquoi Titanic, t'as pas le droit à son édition 4K? Si, il a son 4K, édition 4K, putain. Titanic. Pas du bah tout. Si, je crois. Bon. Non, non, il n'y a pas, je te jure. Ah bon? Non, non, il n'y a pas. Non. Il y a eu juste une édition Blu-ray avec l'édition Blu-ray 3D, justement, c'était une piste 4K. Oui, mais c'est pas le ah, mais c'est pas un Blu-ray 4K. C'est un... ouais. Ouais, ouais, moi je veux un Blu-ray Ultra HD. D'accord. Avec. Voilà. Mais bon, bon voilà. Du coup, voilà. En tout cas, voilà, tout de toute façon, moi, comme il est sur Disney+, parfait, Plus, voilà. Il est disponible à quel format sur Disney+, d'ailleurs? Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu sur Disney+. Je vais aller faire ma petite enquête. Je regardais mon Blu-ray. Mais de toute façon, ouais, les films qui sont sur Disney+, sont moins... En HD. Ils sont en HD. Non, mais il est juste en HD, Titanic. Ah, ok. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'il y a des films en 4K sur Disney+, il me semble. Oui, oui, je sais, ouais, je sais. C'est juste, je pense que du coup, comme Disney, il se dit, bon, c'est sur Disney+, qui c'est qui va acheter un Blu-ray, sérieux. Donc voilà, les films sortent un peu moins en Blu-ray, en DVD, tout ça. Donc je sais pas, on verra ce que ça donne. si le ressort. Et ben moi, du coup, moi pour conclure ton truc, ouais. Ben voilà, moi pour moi c'est un film parfait et je n'arrive pas à trouver un équivalent. Je me dis que ce film-là est c'est une leçon de mise en scène, c'est une leçon de narration, une leçon de montage, de découpage. Enfin, je ne trouve pas une faille à ce film. Du début à la fin, je trouve que c'est un film qui est tellement incarné et aussi bah, qui est le refin, ce qu'il a suscité à l'époque, pareil quoi. Je veux dire, on en parlera après, je suppose. Mm. Mais c'est vrai que Titanic, c'est un peu le film de tout le monde quoi. Et je trouve ça beau, je trouve ça très beau. Ah oui, totalement. Eddie, du coup. Le film. Oui, vraiment un avis général sur le film. Le film, bon, après, ça va vraiment rejoindre ce que disait Morgane, hein, de toute façon. Oui, bah oui. C'est ça, c'est que c'est. Moi, je pense que l'histoire d'amour, effectivement, elle est simple, elle est efficace. Mais surtout, on a. Alors, moi, j'ai un petit. Enfin, comment dire. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient un antagoniste aussi. Ouais. Si marquant quand même. C'est vrai que c'est quand même un incroyable voilà, salaud. Comme Cal Oakley, voilà, Cal Don Oakley, ouais. Interprété par Billy Zane. Oui. Il est très, enfin, mais je trouve qu'il est un petit peu caricatural dans ses réactions. Mais comment dire, tu sens que c'est une personne que s'il était touché par l'ego, il ferait n'importe quoi pour se mettre en danger, ça le dérangerait pas. Parce que ça lui a piqué l'ego et du coup il veut se remettre à sa place. Mais en fait, à l'époque, là, c'est vrai qu'on est dans une génération où on se dit que tout est dans le paraître. Mm. Parce qu'avec les réseaux sociaux, il y a une multiplication des images et oui, tout passe par l'image aujourd'hui. Mm. Mais finalement, à l'époque, c'est pareil. En fait, on était. Tout était dans le paraître aussi, d'une certaine manière. Ouais. Ouais, voyager sur le Titanic, oui, mais en première classe. Aujourd'hui, voilà, bon, aujourd'hui, t'as plein de gens qui font des croisières. Et aujourd'hui, on fait des croisières. Le Titanic, c'est ça aussi. C'est que Rose, elle va en Amérique, mais elle n'y va pas forcément que pour y vivre. Déjà, elle n'y va pas de force. Enfin, elle y va de force, justement. Elle y va de force, ouais, contrairement à une passagère de troisième classe qui, elle, va y aller pour une nouvelle vie, en fait. Pour échapper à l'Europe qui finalement, ne leur apporte plus rien à cette époque-là. Ouais, c'est ça. Et elle fait même la comparaison avec un bateau d'esclaves. Hein. Un négrier, c'est une, ouais. C'est quand même une comparaison très forte, quoi. Oui, oui, oui. Donc ouais non mais c'est sûr donc il y avait pas Twitter pour s'offusquer à l'époque, c'est clair. non mais après enfin comment dire oui c'est vrai que c'est enfin c'est pas la même c'est pas un négrier, c'est un ils étaient disgriés, c'est quoi parce que il y a le truc là, c'est plus dix petits nègres, c'est ils étaient dix, donc du coup aujourd'hui elle dirait plus c'est un négrier, elle dirait c'est un ils étaient disgriés. Oui. C'est vrai. Non, moi je voulais parler un peu du coup de l'antagoniste qui est très, enfin, je le trouve plutôt bon dans son rôle. D'ailleurs, ma copine me fait remarquer quelque chose. Elle me disait avec la qualité du Blu-ray, du coup, enfin, tu vois les gens qui sont vraiment maquillés et t'as l'impression qu'ils s'épilent les sourcils, quoi. Limite, quoi, vraiment. Mm-hmm. Voilà. Du coup, le mec est très, enfin. Il aime bien te rappeler qu'il est d'une certaine classe et qu'il est mieux que toi, en fait. Oui. Il y a toujours des gens comme ça aujourd'hui. Hein. Ah oui, non, mais je dis pas le contraire. ça a toujours existé, ça existera toujours, malheureusement. Mais je trouve que... Le connard est intemporel. totalement. Et du coup, bah, je trouve que ça fait une bonne aussi sous-intrigue le fait que il a été tellement... son ego a tellement pris cher du fait que Rose préfère quelqu'un de la classe vraiment même pas populaire, hein, sous-populaire selon lui, que du coup il va tout faire, même mettre sa vie en danger pour essayer de réparer cette blessure, quoi. Et il fait des choses horribles dans ce film, hein. Ce mec, c'est la pire des ordures. Il prend un gamin il se fait passer pour le père d'un gamin. Qui pleure tout seul, et du coup parce que évidemment les canots de sauvetage sont prévus pour les enfants et les femmes d'abord. Et du coup il dit je suis la... il prend cette gamine qui pleure et il dit je suis la seule chose qu'elle a dans ce monde, donc s'il vous plaît laissez-moi monter sur ce bateau. Et le mec la personne qui fait le contrôle le laisse passer, quoi, sur le canot de sauvetage. Et enfin, ce mec, c'est la pire des ordures, je trouve. Oui, oui. Et je trouve qu'il fait très bien, il joue très bien son rôle de pire des ordures. On n'a pas parlé trop des acteurs, d'ailleurs. Leonardo DiCaprio, dans ce rôle, je trouve plutôt bon. Contrairement... Il est un peu lisse, mais ça... En fait, ils jouent bien l'arrogant, en fait. Ouais. Je trouve que l'arrogance... Ils sont tous les deux assez lisses, je trouve, mais je trouve que DiCaprio s'en sort quand même mieux que Kate Winslet dans le film. Mmh, ouais. Pourtant, il me semble que Kate Winslet avait été nommée pour ce film-là. En découverte ? Non, en... Je sais plus, mais il me semble qu'elle avait été nommée pour ce film-là. Mais moi, c'est pas dans ce film-là que je la trouve vraiment bonne. Après, la prestation est bien, hein, mais c'est pas. C'est pas... Moi, le film qui m'a vraiment. Il y a deux films qui m'ont vraiment marqué avec elle, c'est The Reader et celui où elle joue avec Josh Brolin, là, Morgan, où ils font des tartes à la pêche. Comment ça s'appelle déjà ? Ah, Last Day. Ah oui, il est bien sûr. Et enfin, moi, il y en a un, bon, faut pas le dire, mais c'est Carnage. Ah oui, aussi, oui. Okay. Bah, elle est bien, mais... moi, Carnage. Je me torche le cul avec vos droits de l'homme. Ah oui, c'est vrai. Bah, c'était drôle. Oui, mais bon, c'est... Bah, oui, mais c'est Polanski. Mais c'est un excellent. Ah oui, d'accord. J'avais pas compris pourquoi il fallait pas le dire. C'est un super film. Je ne sais pas. Ça dure 1h15 et ça fait du bien. Tout ça, oui, non, mais il est très bon, ce film. Ok. Tout ça pour dire que, oui, Leonardo DiCaprio, je trouve qu'il est quand même un petit peu au-dessus en termes de jeu. D'accord. Oui, oui. Ouais. Mais après, c'est pas le meilleur rôle de DiCaprio non plus. Hein. C'est pas ce que je veux dire. Ah ben non. Enfin, comment dire. Si je pense. Hein, bon, après, moi, c'est biaisé parce que j'ai vu le film que 3 fois. Mais si je pense à Leonardo DiCaprio, je pense pas tout de suite à ce film. Mais après, ce sera dans ma liste de films avec lui. Quoi. Et alors, moi, je pense forcément à Titanic. Mais... Oui, bien sûr, c'est sûr. Mais oui. Mais je le trouve pas, comme tu dis, c'est pas son meilleur, clairement, en termes de performance d'acting. Je suis en train de réfléchir à lequel serait son meilleur, mais... Ouais, bon, Kate Winslet et Leonardo DiCaprio sont excellents dans Les Noces Rebelles. Oui, c'est vrai. Alors là, pour le coup, ils sont tous les deux excellents. Et c'est un excellent film, d'ailleurs, aussi. Totalement. Et après, au niveau des autres personnages, donc il y a Billy Zane qui joue très bien le méchant, même si c'est assez caricatural. Mais c'est pas grave. En fait, comme le film est tellement populaire, il raconte tellement de choses, il n'y a pas non plus tellement le temps d'approfondir les personnages au point qu'ils sont subtils, quoi. C'est pour ça que je trouve que l'histoire d'amour fonctionne. Et que finalement c'est la meilleure manière de procéder, c'est parce que il y a juste ce qu'il faut pour parler de ces personnages-là, qu'on s'y attache suffisamment pour être bouleversé à la fin. Voilà. Ouais, totalement, totalement. Donc, c'est de ce point de vue-là, je trouve que c'est très bien géré, en fait, à ce niveau-là. Non, mais après, il y a quand même... Moi, je me suis attaché à Fabrizio. Fabrizio, voilà. Bah oui. Malheureusement, il est écrasé par une cheminée. Par une cheminée, oui. Ah oui, ah, mais par contre, c'est, voilà, ça fait partie de ces films-là où il y a beaucoup des personnages que tu apprécies. Et qui m'ont j'aimais beaucoup aussi l'Irlandais, je ne sais plus comment il s'appelle. Tony. Ouais, voilà, voilà. T'as plus j'aimais de chance de voir des anses te sortir du trou de balle que de fréquenter une fille comme ça. Non, moi, il y a un acteur, je trouve qu'il a une vraie gueule dans le film. C'est celui qui se tire une balle là après avoir. Ah, mais ouais, mais je trouve qu'il y a les seconds rôles dans ce officiers. Film. Ouais, ils ont tous des gueules marquantes en fait. Bah, Bernard, il a vraiment une gueule. Il joue le capitaine Smith. Ouais. C'est pareil, hein, il est déjà très physiquement, ils l'ont. Oui, bah, il ressemble à Captain Igloo, quoi. Donc. Ouais, mais il est très proche du. Ouais. Il est très proche du vrai capitaine. Bon, en même temps, j'ai l'impression que tous les capitaines sont comme lui. C'est vrai qu'il y a un peu cette image-là. Oui. C'est l'archétype, hein, c'est ça. Et aussi l'acteur qui joue Monsieur Ismay, qui est le père d'Alan Parrish dans Jumanji, d'ailleurs. C'est vrai, putain, oui, c'est vrai, j'avais jamais fait le... Oui. Ben oui. Ah bah voilà, le podcast a eu... c'est... Après, moi, j'ai de l'affection aussi pour les personnages qu'on voit un petit peu moins, mais qui sont pourtant très importants dans l'histoire... Victor Garber qui joue Thomas Andrews. Oui, j'allais le dire, mais le concepteur du bateau. Et puis, il a vraiment une bonne tête, cet homme-là, je trouve. Il a un visage qui n'est pas du tout agressif. Ouais, il est très. Enfin, ouais, vraiment, il est tellement inoffensif. Enfin, comment dire. Sa mort est héroïque, en plus. Ouais. L'idée de. Même quand il remet les pendules à l'heure pour pouvoir partir. Ouais, je me dis. Ouais, c'est fort, c'est, ça. Oui. C'est fort. Et puis ce qui est terrible avec ce personnage là encore une fois c'est très tragique, mais c'est que lui tout en enfin il c'est lui Victor Garber, l'acteur, voilà, et il a conscience, lui il le sait, enfin à partir du moment où il touche l'iceberg et qu'ils savent combien de salles sont inondées, il sait le premier à prendre conscience, c'est le seul de la situation, c'est ça, exactement. Et c'est lui qui a conçu le paquebot, quoi. Ouais, totalement. Et il le dit à Rose d'ailleurs à un moment. Je regrette de ne pas avoir conçu un paquebot plus solide. Pour vous, en plus, il lui dit pour vous. C'est quand même, c'est fort quand même, je trouve. Il y a une relation un peu de père, j'ai envie de dire, qu'elle trouve dans ce personnage. C'est vrai Rose n'a pas de père dans le film. Mais... C'est ça. Et je trouve ça intéressant, en fait, la manière dont c'est amené. Et c'est touchant. Franchement, c'est touchant. Oui, oui. Parce que c'est un peu... Rose, c'est un peu le seul personnage qui le prend au sérieux, limite. Parce que tous les autres lui parlent mal. Oui, c'est oui. Horrible. Et elle lui pose des vraies questions. D'ailleurs, la petite réplique sur Freud, lui, ça le fait marrer dans le film. Oui, voilà, c'est ça. Vraiment, il se prend d'affection pour elle. Et elle se prend d'affection pour lui. Bon, par contre, c'est vrai qu'Ismay, ils en font vraiment presque un idiot, quoi. C'est vraiment juste un ambitieux... Voilà. Ouais. Alors je pense que ça peut faire partie des éléments un petit peu problématiques quand même. Je suis pas. Enfin, c'est la vie de cet homme après le naufrage, ça a été. Il était fini, quoi. Il y avait. Je viens de voir qu'il est mort en 1937. Oui, oui. Du coup. Ouais, mais je connais pas trop la vie des. Et je sais qu'il y avait eu une polémique sur les enfants, les petits enfants et les arrière petits enfants de Murdoch, l'officier qui se tire une balle. Ouais. Parce qu'il n'y a rien en fait qui a vraiment prouvé qu'il s'était tiré une balle. D'accord. Et du coup, le film, c'est vrai que le dépeint donne pas forcément. Enfin voilà, ça pose des problèmes. Mais après, c'est le risque aussi, hein, quand on fait des films sur des oui, événements finalement proches en termes d'histoire. Parce que c'est pas loin, hein, 1912, c'est. Non, mais bah, surtout il y a 110 ans maintenant. Encore... Mais, voilà, ouais. À l'époque, c'était encore plus. Quoi, donc il y avait encore des survivants, c'est ça? Oui, complètement. Voilà. Des enfants qui avaient survécu, oui. Oui. Donc, du coup, c'est clair que de toute façon, quand tu fais un truc historique, tu t'opposes, enfin, comment dire, sauf si c'est un truc sur je sais pas la guerre de Troie, et encore, tu vas avoir les historiens aux fesses, mais voilà, tu risques d'avoir ça, quoi. C'est normal, c'est la règle du jeu. Oui. Voilà. D'ailleurs, j'ai vu que une des dernières rescapés du Titanic avaient refusé l'invitation de James Cameron à l'avant-première du film. J'ai vu ça sur le Wikipédia, hein. Elle s'appelait Milvina Dean, qui est morte du coup en 2009. Donc, voilà. D'accord. Et donc James Cameron l'avait invitée et elle a refusé. D'accord. Bon. Après, je pense que c'est peut-être aussi pour pas revivre des moments très tragiques de sa vie. C'est pas évident. C'est un peu, voilà, je pense, c'est comme pour les gens, enfin, par exemple, les soldats de la Seconde Guerre mondiale qui ont vu Il faut sauver le soldat Ryan, d'ailleurs, dans le making-of, ils en parlent, enfin, ils montrent des. En termes de reconstitution, on est un peu sur le même schéma. Hein. Le film de Spielberg, je pense que. Moi, déjà, il est assez. Enfin, toute la scène du début, elle est dure quand même. Toute la séquence du débarquement au début, elle est compliquée. Elle est compliquée à regarder parce qu'elle est très très bien faite. Très graphique aussi. Voilà, c'est ça, très graphique. Et je pense que oui, forcément, si tu es touché par. Si tu es impliqué de quelque manière que ce soit là-dedans, forcément, c'est délicat. Ah oui, non, de toute façon, ils l'ont montré dans le making-of. Mais bon, on n'est pas là pour parler de. Oui, mais bon, c'est ça. En plus, c'est sorti la même année, il me semble. Hein. 98, je crois. Ah, 98, ouais, ok. Faut quand même parler de. Et je pense que Morgan sera d'accord là-dessus. De Bill Paxton, qui pour moi dans le film est l'alter ego de James Cameron. Mais Bill Paxton, c'est l'acteur de. J'adore sur un P à son âme. Il est décédé. Ouais. L'acteur de second rôle par excellence. Et c'est horrible de dire ça, mais il est tellement cantonné au second rôle, mais il est génial à chaque fois. Effectivement, il a un côté très Cameron, effectivement. Ah bah oui. Ouais, c'est Paxton. Après, il y a Gloria Stuart qui joue Rose âgée aussi. Oui, oui. Quand même, c'est pas rien non plus. Parce que je sais plus quel âge elle avait à l'époque, l'actrice, mais elle était à un âge, il me semble, assez avancé quand même. Canonique, hein, effectivement. Ouais. Bah, elle est née en 1910. Un âge canonique. Elle est morte en 2010. Hein, donc, Ouais. Elle a encore vécu de belles années après Titanic. Oui, oui, oui. Mais c'est du maquillage un peu, je pense. Pour la rendre encore plus âgée que elle n'était. Non, pas tant que ça, je ne crois pas. Tu crois pas? Ou peut-être un peu, mais il me semble pas qu'elle ait de prothèse ou quoi que ce soit. Hein. D'accord, ok. Du coup, elle est morte à 100 ans. Donc, voilà. Oui. Après, il y a Frances Fisher qui joue la maman de Rose. Oui. Un rôle qui n'est pas évident non plus, parce que le coup, elle incarne vraiment... quelqu'un de détestable, mais elle a des scènes émouvantes avec elle. Détestable, je sais pas, en fait. C'est compliqué parce que c'est un personnage, quand elle l'embarque dans le canot, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde et que Rose lui dit, lui fait comprendre toute sa bêtise et elle la comprend à ce moment-là, sa bêtise. Elle comprend que. On est à un moment dans le film où c'est plus, on raisonne plus en termes de classe, on raisonne en termes. De vie humaine, d'humanité quoi. Ouais, d'humanité, ouais. Et c'est pour ça qu'il est intéressant ce personnage aussi, parce qu'il incarne vraiment tout ce côté, comme on disait, du paraître, il faut faut briller en société mondaine, on va dire. C'est vraiment c'est la seule société arme mondaine. Qu'elle a en fait. Ouais, la seule arme qu'elle a, c'est parce qu'elle a plus de fric en fait, elle a plus d'argent puisque. Donc voilà, en fait, elle fait tout ça pour l'argent. Elle marie limite de force sa fille à Cal pour l'argent totalement. Oui. C'est un personnage compliqué à apprécier, on va dire, en tant que spectateur, même si elle a des moments quand même un petit peu émouvants, parce que quand elle explique que. Elle aime sa fille quand même, malgré tout. Voilà, c'est ça, c'est ça, exactement. Oui. Mais c'est juste qu'à l'époque, c'est ce qui se faisait. Les mariages arrangés avaient lieu. Hein. Oui, totalement. Oui, puisque sa crainte, c'était d'être mis sur la paille financièrement parce qu'il y a des dettes et tout. Et aussi, on comprend, et je trouve que la scène est très... Parce que ça pourrait être manichéen de se dire « Ouais, c'est la mère qui... » Non, en fait, elle... Non, il y a des moments... Elle est sans ressources. Et en fait, on comprend... On sent bien que ça lui fait pas plaisir à elle de jusque-là. Oui, parce qu'elle a conscience que Cal, c'est quelqu'un de détestable. Oui, ça se voit. Et en fait, on voit bien que c'est comme ça. Les femmes à l'époque vivaient au crochet des maris friqués, quoi. Ouais. Et que leur seule force en tant que femme dans cette société-là, c'était d'être de bonnes épouses, finalement. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Hein. Oui, totalement. Mais c'est ce que raconte le film en partie, quoi. Donc, et c'est bien fait justement parce que tu vois comme tu disais Morgane, les fissures en fait dans le personnage à certains moments. Quand elle est toute seule avec sa fille, tu vois les fissures. Quand elle est avec d'autres gens, tu vois le masque qu'elle met en fait pour oui, c'est paraître ouais. Oui, c'est voilà. Ça c'est exactement ça, elle est obligée de faire bonne figure et elle peut pas, et elle ne peut pas voir Jack d'un bon œil parce que du coup il va foutre tous ses plans en l'air. Bah oui, voilà, c'est ça. Parce que d'une certaine manière, forcer sa fille à se marier avec elle, c'est aussi assurer bah, c'est assurer un avenir à sa fille, quoi. À l'époque, pour elle, enfin, c'est pour une femme de son temps, c'est la seule bah, c'est la seule échappatoire qu'elle a, vu que sa fille ne peut pas travailler, elle n'a pas le droit de le faire, donc oui. Oui, oui. Ouais. Une fille, enfin, pour une fille issue de une fille de l'aristocratie. Milieu, voilà. Ouais, il y avait des femmes qui travaillaient à cette époque-là. Bah oui, oui, oui. De ce fait que bah, les, ben, Rose, elle a des servantes. Oui, oui. Et puis il y a quand même Kathy Bates. On ne l'a pas évoqué, mais bon, la submersible, oui. Molly Brown. Ah oui. Ouais. C'est un personnage fort. C'est un personnage historique, du coup, hein, ah oui, qui était vraiment à bord du Titanic. Bah, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de personnages rajoutés, au final. Oui, oui, oui, il n'y a que quelques personnages fictifs. Il y a quoi ? Il doit y avoir une petite dizaine de personnages fictifs. Il y en a... Oui. Bah, il y a ceux du présent et ceux dans le passé. Ouais, c'est ça. Et oui, du coup, le reste, c'est que des personnages historiques. Ouais. Mais oui, Kathy Bates, excellente. Surtout, j'adore la manière dont qu'elle a de justement. Elle a beaucoup d'affection. Enfin, d'affection, c'est un peu un mot fort, mais pour Jack, elle ressent. Elle voit peut-être son fils. En lui, et du coup elle veut vraiment le quand elle le met en garde, vous ne savez pas dans quel monde vous entrez, je connais pas les mots exacts qu'elle dit, mais ça peut... vous allez pénétrer dans la fosse au serpent. Merci. Du coup, moi, enfin, j'aime beaucoup ce personnage, cette manière qu'elle a de... c'était une philanthrope, hein, de toute façon, cette dame là hein. Oui, en plus elle était militante, enfin elle était il me semble qu'elle était qu'elle est issue d'une famille pauvre, donc en fait c'est qu'elle a... Et dans le film ils l'ont bien écrit. C'était la Marlène Schiappa de l'époque. Ouais, mais plus aimable, hein, je pense quand même, hein, parce que... Ouais, il parle beaucoup de nouveaux riches dans le film et moins misandre aussi. Comment c'est... Oui, c'est ça. Bah, elle était d'accord, les femmes et les enfants d'abord, si les hommes veulent passer, c'est du mansplain. Ouais, exactement. Mais je pense que dans le film, ils ont bien joué, ils ont bien réussi l'écriture de ce personnage-là, parce que en fait, le lien avec Jack se fait naturellement, parce que dans la vraie vie, c'est une femme qui est issue d'une famille pauvre, mm-hmm. et qui va... D'accord. Ça, je savais pas. Et si, qui va se retrouver... qui va se retrouver riche, parce qu'elle va épouser quelqu'un qui va découvrir un filon d'or, quoi. D'accord. Aux États-Unis, et elle va acquérir la richesse comme ça, mais en fait c'est quelqu'un qui n'oublie pas de là où elle vient. Ouais. Voilà. Et elle est mal vue d'ailleurs par les oui, parce autres dames. Parle de... Enfin, ouais. Elle est en anglais, il parle. Oui, de... Il la fuit dès qu'elle arrive. Ouais. Ah oui, de new money, de nouveaux riches. Les nouveaux riches, ouais, bien sûr. Bah, rien que ça, c'est encore en parlant de société, il y a ça aussi. C'est encore une différence entre les... Parce qu'il faut encore différencier les riches. Bien sûr, t'es en première classe, mais le mieux, c'est d'être un riche de naissance, un nouveau riche. Voilà, c'est ça, exactement. Voilà. C'est mal vu, quoi. C'est donc, ça. Mais... De toute façon, oui, ça... Enfin, après, c'est pas à charge contre les riches, mais c'est vrai que ça tourne quand même en dérision. Même la scène où il y a Rose qui fait une description, en gros, furtive de la vie de chacun des nouveaux riches et tout. Alors lui, machin, en fait, elle est dans une situation délicate, regardez. Elle fait des sous-vêtements pour l'aristocratie et tout ça. Voilà, elle montre bien que derrière cette belle vitrine, il y a énormément de failles. C'est très, très... C'est bien amené, en fait. Et encore une fois, tout s'imbrique. C'est rapide, mais c'est limpide, en fait. Ouais, c'est... Il y a une série qui montre très bien toute la société de cette époque-là et qui est très intéressante, c'est Downton Abbey. Ouais. Et en plus, la série démarre avec suite au naufrage du Titanic. Les personnages sont directement concernés par la tragédie. Ouais. Et après, ça, c'est ce qui lance un peu la série. Et c'est vrai que du coup, si tu t'intéresses à cette époque-là et aux classes sociales et tout ça, la série est très intéressante à ce niveau-là. Avec l'insubmersible Maggie Smith. Oui, mais c'est vrai, elle est incroyable. C'est vraiment une excellente série. Hein. Je ne m'attendais pas du tout à ça en la découvrant. Hein. Ouais, c'est, mais moi j'en entends parler. C'est pas du tout un soap ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment. Oui, oui, c'est très passionnant apparemment. Ouais, ouais, c'est très bien écrit. J'entends que du bien de toute façon. Et il y a eu le film. J'ai pas vu le film par contre. Mais la série, je l'ai dévorée en très peu de temps. Ouais. Ben voilà, c'était le petit aparté, mais il y a un lien avec Titanic. C'est très bien, c'est parfait. On peut parler peut-être un petit peu des effets spéciaux. Quand même. Quand même, un petit peu, c'est un petit peu dans le film, quoi. Ouais. Du coup, tu en parlais un peu, Morgane, des maquettes qui sont plutôt impressionnantes parce que tu vois pas la différence. Moi, enfin, vous parliez du fait que le film a pas trop vieilli. Je suis d'accord avec, enfin, je suis d'accord que le film a pas trop vieilli sur sa, enfin, sur la manière dont il raconte une histoire. Enfin, toute la manière dont c'est filmé, etc. Le seul petit souci, et c'est pas de la faute du film, hein, clairement, c'est vraiment le fait que la technologie ne pouvait pas être plus puissante que ce qu'elle était à l'époque, c'est les cascadeurs en 3D que quand tu as, enfin, je pense qu'au cinéma tu devais quand même plutôt bien les voir. À l'époque, je pense que ça devait être tellement impressionnant que tu t'en foutais. Actuellement, quand t'as l'habitude, quand t'as l'habitude des films où tous les décors sont en 3D, c'est un peu plus compliqué. Mais ça passe parce que c'est quand même, c'est bien. Enfin, il a été intelligent sur la manière dont ça a été fait, c'est-à-dire que c'est souvent des scènes de loin. C'est souvent, mais tu les vois, hein, quand même. Par exemple, il y a une des, enfin, quand le bateau démarre part de Cherbourg. Il y a pas mal de plans aériens sur le bateau. Tu vois des gens qui sont sur des chaises longues et ils sont un peu. On voit des officiers marcher qui ont une démarche très bizarre. Ouais, voilà. En fait, t'as l'impression de voir. Tu parles du plan séquence où Jack est à la proue et le plan séquence va jusqu'à la poupe, en fait. Passe entre les cheminées et tout ça. Mais c'est, moi, c'est le seul moment où je vois une faille visuelle, hein, mais vraiment. Et aussi au niveau. Oui, parce c'est les plus parlants parce qu'en fait, c'est une scène de jour. Ouais, et même enfin les gens qui tombent quand la proue est tout en haut. Ouais. Désolé. j'ai pas de langage maritime. Moi non plus, bâbord tribord, j'arrive jamais à. Ouais. mais du coup tire sur mon mât de temps en temps. Quand t'as des personnages qui tombent, etc., tu vois que c'est de la 3D. Ouais. Mais c'est de nuit, ça passe mieux, je trouve. Ça passe mieux de nuit. Après. Et il y a aussi un truc Cameron a rajouté numériquement, c'est la buée qui sort quand les personnages parlent. Tout ça, c'est Il faisait pas assez froid. Trop... Hein. Ouais. Ils ont pas pu les faire tourner dans les mêmes conditions. Et ils tournaient dans de l'eau qui était pas très chaude. Hein. Parce que quand tu vois les photos de tournage, ils sont dans des. En fait, ils tournaient dans l'eau, dans des grands bassins. Et en fait, ils avaient des petits bassins d'eau chaude à côté pour aller se réchauffer entre les scènes. Ça c'est clair. C'est sûr que et même tourner même dans une eau, enfin dans une eau, enfin de toute façon tous les films sur l'eau c'est la merde. Degrés, déjà c'est compliqué. Ouais. Je pense. Non mais tous les films sur l'eau de toute façon c'est la merde à tourner. Enfin voilà, Spielberg en a fait les frais. Film sur l'eau et film en costume, hein, quand même. Hein. Voilà, donc du coup c'est deux malédictions sur. Enfin non, voilà, mais c'est compliqué quoi. Du coup, je voulais juste parler de ça. C'est des trucs que quand tu les vois en 2021, ça peut un peu. Ça gêne pas hein, parce que t'es plongé dans le film et la narration est tellement bien faite que ça te. Oui, et puis c'est des petits passages par-ci par-là. Hein, oui. C'est pas vraiment... longues scènes, non. Voilà, non, mais le truc c'est que tu peux pas en vouloir au film parce que techniquement, tu pouvais pas faire des humains en 3D mieux que ce qui a été fait dans ce film en fait. Et c'était même en avance sur son temps. Si on va par là, il y a même l'horizon aussi. L'horizon de nuit. Tellement. On voit bien que c'est pas un vrai horizon, que c'est un truc tu vois les tu vois les failles quoi un petit peu mais c'est bien fait, c'est ça. Oui, ça va. Totalement, je voulais conclure sur ce point en disant que vraiment ça c'est des petits pinaillages parce que ils pouvaient pas faire autrement, enfin ils pouvaient pas faire mieux. Il va pas faire une George Lucas et effacer tous les personnages en numérique et les refaire en belle 3D, je pense pas. pour une peut-être ressortie, une spéciale édition. Non, je ne sais pas. Pour le genre de la maison, je pense. Non, non, je pense pas. Mais après, Cameron retravaille parfois, mais vraiment. Pour la sortie 3D, il n'y avait pas. Enfin. Oui, parce qu'il avait refusé un formatage 3D comme il y avait eu pour le Choc des Titans et tout ça. Hein. Ouais. Quand Avatar est sorti, ils ont sorti Choc des Titans après dans la foulée. Mm. Un film récent, hein, mais du coup, ils l'ont formaté en 3D, en fait. Et James Cameron refusait ça. Donc je sais plus. C'est pour ça qu'on parlait de copie 4K tout à l'heure, parce qu'il me semble qu'il y a eu une histoire de 4K à un moment donné là-dedans. Mais bon, Morgan en sait plus que moi, je pense, là-dessus. Il y a un truc qu'il a travaillé, parce qu'il y a des experts qui se sont penchés aussi sur la question. Et vous savez la scène où il y a DiCaprio, juste avant que Kate Winslet court à côté de lui pour aller à l'arrière du bateau, il regarde les étoiles. Mmh. Et il y a un expert en astrologie. Astronomie. Astronomie, pardon. Non, parce que les astrologues font pas la même chose. Oui. Il a dit, alors, c'est pas possible, il peut pas y avoir ces étoiles là et là, enfin, il y a une incohérence, voilà. Et bah Cameron, il a dit, ok, d'accord, parce que lui, c'est un maniaque, et bah, il y a des étoiles en moins dans la version. Ah d'accord, okay. Ah oui jamais fait gaffe. Ah oui, vraiment. Ah d'accord. D'accord. Ah, c'est un truc qui m'est revenu aux oreilles, et puis je sais plus où est-ce que j'avais lu, et je m'étais dit, mais le gars, parce que moi, un mec, je réalise un film, un mec me dit, ouais, moi je m'en fous, tu te l'écoles. Moi je m'en fous. Bah ouais, je dirais, je m'encarre de tes étoiles, c'est bon, on m'emmerde pas. J'ai fait... Et en fait, non, Cameron, il entend tout, il fait bon, bah ok, d'accord, je vais changer les étoiles. Mmh. C'est génial, c'est génial. Ouais, voilà. Et pour la petite anecdote, quand tu parles, Axel, des naufragés qui tombent de la poupe du bateau. Ouais. Alors, la poupe, en fait, du bateau, quand elle est inclinée à la verticale. C'est un décor du coup sur vérin, hein. Ouais. Et il y a que la partie arrondie, en fait. Ok. Il y a que la partie arrondie. Oui. Et donc il y avait des vrais acteurs là. Et pour les personnages qui sont censés tomber, en fait, ils ont fait en prise de vue réelle, ils ont fait ça avec du papier toilette. D'accord. Ils s'amusent. ils balançaient des rouleaux de papier toilette. Les trajectoires étaient retenues et après par dessus, ils ont incrusté les personnages 3D qui tombent en fait de la poupe du bateau. D'accord. Voilà. Okay. Et ça, c'est le genre de truc que t'as dans le making. Dans le making of. Mm. Ok. D'accord. Mais c'est un making of très intéressant. Ah oui, non, mais j'en doute pas. Ouais, le making of Titanic, il est. Et vraiment, moi, ça me bluffe toujours quand déjà on voit toute la construction du bateau, du décor au Mexique, en Basse Californie, je sais plus où c'est. Mais et il y a quand même, si, il y a ça aussi. Il y a que pour le départ à Southampton au début du film, tous les costumes, toutes les écritures ont été tout a été imprimé à l'envers. Parce qu'en fait, le bateau est pas filmé de la manière dont il devait être dans la réalité. En fait, le soleil ne donnait pas du côté qu'il fallait. Donc du coup, il a fallu, en fait, c'est un effet de miroir, quoi, tout simplement. Ouais, ouais, ouais. Ils ont, oui, les plaques d'immatriculation ont été mises à l'envers, etc. Mmh. Oui, c'est ma copine qui me l'a dit quand on le regardait là récemment, du coup. Et je trouvais ça assez impressionnant. Au niveau des costumes, tout a été imprimé à l'envers, les lettres dans le sens inverse. Enfin, c'est. Ouais, non, c'est fou, quoi. Ouais. Ce niveau de détail. C'est un Red Rum, quoi. C'est pareil. Oui, bah oui, oui. J'avais Stanley qui me venait en tête. Hein, ouais. pour ce niveau de perfection, c'est perfectionniste. Ouais. Ouais, non, il y a que lui, je pense, qui est aussi impliqué là-dedans. Non, mais du coup... Et après, tous les décors hydrauliques, hein, qui s'enfoncent dans les bassins, ça, c'est impressionnant à voir en making of, ouais. Ah oui, totalement. On voit les tables se soulever, la vaisselle, les sièges qui flottent, et ouais, ça, c'est... Et on voit tout progressivement se faire dans le making of, et ça, c'est très impressionnant, ouais. Enfin, le making of est un vrai. Enfin, pour le coup, c'est vraiment un complément de l'expérience Titanic parce que ça permet de prendre conscience d'à quel point ils se sont donné du mal pour nous fournir un film comme ça qui se veut aussi riche en termes d'émotion qu'en termes de reconstitution. Ouais, c'est pour ça qu'on peut pas trop lui imputer des erreurs comme le fait qu'il se coupe pas au bon endroit et tout, parce que ça a été fait. Voilà, tu sens bien que S'il l'avait su, il l'aurait fait, en fait. Ah oui, mais totalement. Hein. Et c'est pour ça aussi que non, je lui impute pas non plus les problèmes, enfin, les problèmes entre grosses guillemets. Tout ce qui est acteur numérique qui pique un peu l'œil maintenant, parce que s'il avait eu mieux, il l'aurait fait, voilà. Ah oui, oui. De toute façon, et puis le truc, c'est comme pour Avatar, même le premier Avatar, et il a attendu 10 ans pour que la technologie soit au point. Pour le Avatar 2, c'est la même chose. Il attend même plus, hein. Plus de 10 ans maintenant. Donc ouais, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui attend le dernier moment pour que la technologie soit au point pour filmer ce qu'il a en tête, quoi. Donc voilà. Et d'ailleurs, Titanic en Blu-ray, même en DVD, tu peux pas le trouver autrement qu'avec le making of, avec deux Blu-ray, en fait. Oui, il existe même pas en édition simple, je crois. Voilà, c'est ça. En fait, moi, j'ai acheté l'édition de base et j'avais le deuxième Blu-ray. Donc, j'étais très content, d'ailleurs, parce que c'était pas trop cher, pas plus non, cher. Non, après, il était moins populaire. Oui, voilà. Donc, du coup, c'est pour montrer à quel point ce que tu dis, c'est vrai, c'est que ça fait partie de l'expérience. De l'expérience justement du film, le making of aussi. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit là sur le débat du film. Ouais. Je sais pas ce que tu avais en tête, Eddie, sur les souvenirs, les anecdotes, on en a un peu parlé quand même. Oui, je pense qu'on a fait le tour aussi. Hein. S'il y a des choses, il y en a s'il une y a des aussi, choses qui vous reviennent, il n'y a pas de souci. Il y a une anecdote. Mm-hmm. Une anecdote qui s'est passée pendant le tournage. Toute l'équipe du film a fini à l'hôpital. Exact. Ouais. Après avoir été drogué à cause d'une soupe de palourdes. Sais pas ce qu'ils avaient mis dedans. Alors en fait, on a jamais su ce qui s'est passé. Et ils ont jamais lu le fameux Cameron. De l'histoire, oui. Ouais, alors Cameron, il pense que c'est justement un des techniciens qui avait été viré de l'équipe parce qu'il s'était mal comporté avec il avait une attitude très incorrecte avec les cuisiniers de l'équipe. Et en fait, avant de partir, il leur a mis une espèce de psychotrope très puissant dans une soupe de palourdes. Du coup, ils ont fini à l'hôpital dans un état totalement lamentable. Je crois que Cameron, il était mort de rire. Il s'était fait coupé avec un ciseau, je crois, le long du visage. Il était mort de rire aux urgences. Enfin, voilà. D'accord. Alors, il n'y avait pas DiCaprio et Kate Winslet. C'était à la fin de... C'était l'équipe de la scène... Enfin, d'une des scènes finales avec Bill Paxton et tout. Ouais. Donc, Paxton, Cameron étaient totalement... j'espère que Gloria Stewart... Ça aurait été drôle, quand même. J'espère que Gloria Stewart dormait. Mais voilà, c'est une anecdote. On n'a jamais su. Jamais. C'est vrai que ça a été un tournage qui a été très rude parce qu'il y a eu beaucoup de retard. Cameron, c'est quelqu'un d'exigeant. Donc, ça a quand même été un tournage sous tension, autant pour le studio qui finançait que pour Cameron, que pour l'équipe, que pour les acteurs. Enfin, c'est... Ça n'a pas été un tournage facile, quoi. Ça a été, J'en doute pas un seul instant. En voyant le film, de toute façon, tu te dis que ça n'a pas dû être facile à faire. Non, c'est clair. Et si, quand même, moi, je voudrais juste, avant de pour terminer, là, du coup, pour vous la scène ou la scène de fin du film, vous l'interprétez comment? Elle s'endort ou elle meurt dans son sommeil? Oui. Alors, non, pour moi, elle meurt dans son sommeil. Moi, quand j'étais petit, j'avais pas vu la. Non, du coup, attends, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, elle dort. J'étais naïf, un peu. Il y a une fin alternative hein, dans les bonus. Ouais, mais du coup, en le revoyant là, je me suis. Enfin, voilà, ça paraît logique qu'elle fasse ce que Jack lui avait promis sur. Alors on nous montre toutes les photos en fait aussi. Voilà, c'est ça aussi. On nous montre toutes les. Oui, elle a vécu tout ce qu'ils avaient prévu de faire. Voilà, exactement. Puis bon, les personnes qu'elle voit à la fin, c'est quand même que des personnes qui ont péri dans le Titanic, et on le sait. Ouais. Donc du coup, oui. Puis même cette espèce de grand tunnel blanc et tout. Oui, oui. Enfin, ça paraît logique. Quoi. En plus, non, puis une fois qu'elle a jeté le diamant au fond de l'océan, c'est une manière de faire son deuil aussi. Elle est en paix, quoi, avec cette histoire-là. D'ailleurs, la fin de Lost est très, très, très similaire. Oui, mais je n'ai pas vu, donc taisez-vous. Ouais, moi non plus. Voilà. Je ne sais pas si j'y reviendrai un jour, mais bon, dans le Je prévois peut-être un jour de la regarder, donc du coup, voilà. Non mais en fait dans ce que ça traduit, il y a vraiment cette idée là, je trouve, et voilà. Okay. Mais en tout cas, c'est évident, c'est un long tunnel, enfin elle revient dans son passé, mais dans le passé qui a forgé qui elle était, donc du coup, elle le retrouve. Mmh. C'est ça. Donc et parce que finalement ça a été la tragédie de sa vie, mais ça a été l'élément déclencheur de sa vraie vie, ça a été le naufrage du Titanic. Mmh. Ben oui, totalement. Et puis même, elle dit à sa petite fille qu'elle ne l'a jamais raconté à son mari après, son grand-père à la petite fille, que c'est la première fois qu'elle le raconte. Donc c'est quoi. Et la réplique, oui, d'ailleurs, il m'a sauvé. Personne ne sait qui est. Personne ne sait qu'il existe, ouais. Il n'existe que dans ma mémoire. C'est terrible. Ouais, c'est alors fou, voilà. Ouais. Alors là, moi, là, ça coule à flot de toute façon. Ouais, ouais. Et puis quand elle lui dit il m'a sauvé de toutes les manières que l'on puisse être sauvé. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux ? Moi, devant ça, je ne suis qu'un faible être humain. Ah oui, ouais, totalement. C'est totalement. Tellement beau, quoi. Enfin. Un fragile, ouais. Oh. Oui. Ouais, mais je suis qui pleure devant. Les dialogues. Ouais. Les dialogues. Et justement, là, c'est la VF et il y a. Un boulot de traduction qui est incroyable. Je veux dire, la force des dialogues est oui, c'est folle. Ça, c'est pour ça que c'est pas dérangeant de le voir en VF, parce qu'il est, très bien, elle est très bien faite aussi. Oui, oui, de toute façon, des répliques que vous me dites, en fait, j'arrive à refaire. Oui, donc, oui. Voilà. Enfin, je revois les scènes. Il y a juste la différence, et il m'avait étonné quand je l'avais vu en anglais, c'est qu'en VF, la plupart des gens se vouvoient. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas en VO, en fait, ça. Ouais, parce que Rose vous voit Cal, Cal vous voit Rose, Rose vous voit sa mère, évidemment. Oui. Moi, ma grand-mère m'a toujours dit qu'elle vous voyait ses parents, aussi. Donc, c'est un peu plus compliqué à faire la distinction en anglais. Ouais. Et ça, c'est vrai que pour le coup, en français, ça rajoute, mais c'est bête, mais ça rajoute vraiment... ça participe au contexte de l'époque où on se vous voyait dans la bonne société, oui. Ah oui, totalement, totalement. Après, c'est avec certains mots qu'on peut comprendre si elle met le vouvoiement ou le tutoiement, mais oui, c'est sûr que ça rajoute quelque chose totalement. Du coup, je pense qu'on a à peu près là tout dit ce qu'on voulait. De toute façon, il y aura toujours des choses à dire. c'est comme tous les films dont on parle la plupart des films dont on parle dans ces podcasts, c'est quand même compliqué de dire tout, mais voilà. Du coup, on va passer à ce que Morgane a proposé de rajouter dans cette émission. Là ou les scènes préférées. Ah non, la scène préférée, parce que si. Voilà, faut en citer qu'une. Hein. Voilà, du coup, la scène préférée. Quelle est votre scène préférée ? Morgane, je te laisse commencer. Ah, moi, je crois que la scène qui me. Elle est terrifiante et belle, c'est l'explosion du dôme, quoi. En plus, il y a une synchronisation parfaite entre l'image et la musique. Les cœurs qui reprennent à cet endroit-là. Voilà, je veux dire. Et puis, vraiment, il y a tout ce que le Titanic a causé de plus dramatique, c'est-à-dire des gens qui, en plus, se sont noyés. Ils étaient enfermés, noyés, ils étaient complètement coincés. Il y a le cri de ces personnes et tout, les plans terrifiants en contre-plongée où tu vois ces victimes qui. Le dôme qui explose, et en plus c'est vraiment c'est vrai, c'est pas du numérique, c'est que il y a une synchronisation parfaite entre l'image, le son. Mais c'est à partir de ce moment-là où tu vois vraiment le bateau vraiment s'enfoncer, parce qu'après il y a un plan large extérieur où on voit vraiment la poupe se lever. Jusqu'à là, c'était presque imperceptible, c'était très graduel, et là en fait, on voit vraiment la poupe qui se lève au-dessus de l'océan et on comprend que la fin est proche, quoi. Oui, mais c'est vraiment pour moi la scène, puis la musique de James Horner, qui s'appelle, la musique c'est Building Panic, elle est très longue, elle dure 6 minutes je crois, mais c'est à 4 minutes mais vraiment, c'est... que ça commence ce passage-là. Ouais, et c'est vraiment une scène, elle est sublime, terrifiante, c'est montrer l'horreur d'un fait historique avec un lyrisme cinématographique incroyable. C'est sûr, c'est vraiment une belle définition, ouais, ça démontre bien comment le cinéma peut parvenir à raconter des choses vraies. Tout en gardant ce qui fait que c'est du cinéma, c'est que c'est terrifiant mais beau à la fois, quoi. Ouais. Eddie, du coup. En fait, ça aurait pu être la même scène, hein, honnêtement. Ouais, moi, j'ai tellement de scènes qui me viennent en tête, c'est compliqué. Mais sur le plan humain, En fait, si je devais en évoquer une au niveau des effets spéciaux, ce serait celle à Morgan, la même. Ouais. Même si j'aime beaucoup quand même le plan séquence où on a vraiment le au début où on voit tout le bateau dans sa majesté là, c'est magnifique parce que il y a ça aussi, on l'a pas évoqué mais je veux quand même le dire, c'est que la grande idée du film pour moi, c'est aussi de traiter le bateau comme un personnage et pas juste comme un objet. Oui, bien sûr. Parce que le Titanic, quand il coule, eh ben il souffre, on l'entend, enfin je veux dire, on l'entend grincer, on le voit se déchiqueter, il y a cette idée-là quand même aussi, je pense. Totalement, ouais. C'est le bateau est l'un des personnages du film. Et c'est vrai qu'au début, il nous le montre vraiment tel qu'il est. Et quand je vois les bateaux de croisière aujourd'hui, c'est moche, quoi. Enfin, ça avait beaucoup plus de classe à cette époque-là. Enfin, le Titanic a une prestance, c'est majestueux, c'est beaucoup plus peu loin, c'est sûr. Mais c'était très beau, quoi. Donc, il y a ce plan-séquence-là, qui me marque quand même à chaque fois. Et puis, je pense qu'au niveau de l'émotion, c'est l'adieu de Rose à Jack, je pense. Quand elle réalise qu'il est mort et que... Il y a ce moment où c'est un moment où de non-renonciation, elle doit renoncer au corps physique de Jack. À partir de ce moment-là, il n'existera plus que dans sa tête, dans son esprit. Mais elle va survivre pour justement que Jack survive à travers elle. Et ça, en termes d'émotion, moi, c'est tout ça. Ouais. Mais après, il y en a plein d'autres, hein, comme évoquait Morgan, la mère qui raconte qui dit une histoire à ses enfants pour les endormir parce qu'elle sait que ils vont mourir, le couple de personnes âgées qui savent qu'ils survivront pas et qui s'enlacent dans le lit une dernière fois et on voit l'eau couler en dessous le lit, enfin les tableaux qu'on voit sous l'eau, enfin il y a tout un tout ce passage là, très bien. Et puis l'orchestre qui joue jusqu'au dernier moment, c'est quand même on avait dit une scène et oui. Non mais je veux dire c'est une scène, c'est que c'est plus une dimension du film en elle-même, quoi. Oui, d'ailleurs l'absurdité du fait que l'orchestre doive jouer est bien signalée avec Tommy là qui dit je vais l'avoir en anglais, mais en français, je sais. Ouais, de l'eau pour se noyer, je sais que je suis en première classe, oui. Non, quand ils voient l'orchestre, on a même de la musique pour se noyer. Oui, de l'eau pour se noyer, en même temps, on se noie pas autre part, tu me diras. Oui, ouais. De la musique pour se noyer, oui. Ouais, la musique pour se noyer, voilà, c'est ça. Et du coup, pour moi, j'étais en train de réfléchir parce que il y en a plein, ce que vous avez évoqué déjà, mais du coup, une scène qui m'est venue comme ça et qu'on n'en a pas parlé, en même temps, il y en a tellement. Toute la partie en fait où Jack et Rose se retrouvent dans la partie inférieure du bateau et que l'eau commence à monter. Déjà, je trouve que l'eau dans les films de James Cameron, elle a une. Comment dire ? Elle est comme ça nulle part en fait, visuellement je parle. Elle est menaçante là quand elle monte. Elle a cette teinte bleu-vert comme ça. Mm-hmm. On la retrouve la même dans Aliens, je trouve. Toute la scène où Ripley est dans l'eau avec la petite fille, Newt. Mm-hmm. Il me semble, c'est ça. Morgan, tu me corriges, c'est bien Newt, hein, la petite fille. Dans X-Men. Aliens. C'est ça. J'avais un doute. Je trouve que toute la scène où Jack et Rose se retrouvent sous. Déjà, le fait que Jack se retrouve menotté alors que l'eau monte. Bon, déjà, il y a la pression. Ensuite, Rose trouve une hache. Elle doit mettre un coup de hache d'une précision parfaite. C'est chirurgical. Hein. Voilà. Et franchement, c'était pas donné parce que, sachant qu'elle s'était entraînée à côté et qu'elle n'avait pas réussi à donner deux fois le même coup, c'était compliqué. Mais bon, du coup, ça a fonctionné. Ouais, ça fait partie des petites facilités d'écriture. Mais bon. Oui, mais bien sûr. Non, c'est juste. C'est juste parce que, du coup, ça rajoute à la tension du film, à la tension de la scène, du coup. Ouais. Je pense un de mes passages préférés. Je t'attends ici. De toute façon, t'iras pas loin, mon gars. Ouais, c'est clair. Ça fait partie des petits moments comiques. Je pense que ça pour le coup, c'est totalement volontaire. Oui, Oui, totalement, totalement. Oui. C'est un peu comique, et en même temps, du coup, en fait, ce que je pense à une partie de cette scène, c'est au moment où elle arrive à le délivrer, et ils voient un enfant qui pleure tout seul dans les couloirs. Et, alors, c'est bien après, hein. Ouais, ah, c'est bien quand après. Ils redescendent, d'accord. Parce que Cal ah, cherche à leur tirer dessus. C'est bien après, le naufrage non, mais est en fait, bien entamé. Ouais, ok, c'est parce que j'ai pas le film parfaitement en tête. Du coup, ouais, c'est vraiment après, du coup. C'est cette scène dont je voulais parler, clairement. C'est quand ils trouvent un enfant qui pleure tout seul dans les couloirs. Oui. Et qui parle pas leur langue, en plus. C'est aussi tragique, hein. D'ailleurs, quand on voit les personnes qui sont étrangères, du coup, qui parlent pas la langue, et des panneaux de signalisation, etc., c'est horrible. Il y a ces micro-scènes, vraiment, il y a Jack et Rose qui passent devant eux, mais une famille, je pense, du Moyen-Orient. Qui ont un dictionnaire comme ça et qui essayent de comprendre ce que veulent dire la signalisation, les panneaux, etc. Et c'est juste, enfin, quand ils pensent, c'est horrible, quoi. Mais du coup, ils trouvent cet enfant qui pleure, et du coup, Jack, il est pas sûr. Tu sens que il dit c'est chacun pour soi un peu, mais Rose le regarde et finalement il décide d'aller le récupérer. Et après il tourne dans un couloir et il trouve le père de ce gamin qui le prend de force et limite qu'il les engueule, quoi. Mais est-ce qu'il comprend pas? Voilà, c'est ça. Et puis après, l'eau, en fait, Jack et Rose. Ils sont emportés par les flots. Ouais, c'est ça, en fait. Ils avaient vu que il fallait pas aller vers un endroit. Le père va vers cet endroit, mais comme il parle pas la langue et que Rose et Jack le prévient, mais c'est trop tard. Les flots, l'eau arrive totalement, enfin, immerge les couloirs. Mais l'eau entre dans le couloir et c'est foutu, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et tu vois pas que le père et l'enfant sont morts, mais tu le sais. Non, mais sais. Tu les vois se faire emporter par l'eau, oui. Voilà, c'est ça. Et tu le sais, quoi. Et du coup, je trouve cette scène. Et puis après, tout ce qui va avec. Mais ça reste le fait assez frontal. C'est montré sans montrer, mais c'est quand même. Ah oui, totalement. Totalement. C'est là, ça que je trouve que c'est très intelligent, en fait, la manière dont c'est mis en scène. Et dans les scènes coupées, justement, il y en a une où on nous montre la petite Cora et ses parents coincés derrière une grille et l'eau qui monte, voilà. Et ils l'ont pas laissé dans le film, mais dans les scènes coupées, voilà. Et dans les scènes coupées, il y en a une un peu comique où il y a Molly Brown qui est dans sa chambre et puis en fait on voit l'iceberg passer derrière au hublot. Ah oui, d'accord. C'est tout bête, mais non, mais oui, par exemple le moment comique qui n'a rien à voir, mais genre, tu sais, genre quand ils décident de faire un petit foot avec un morceau d'iceberg, c'est parce que ils l'ont vraiment fait, les passagers. Ouais, bah oui, ça m'étonne pas, parce que tu te dis quand t'es à leur place, t'as pas l'impression qu'il s'est passé grand chose, quoi. Bah non, parce qu'au départ ça coule doucement, mais ça s'est vraiment accéléré sur les dernières minutes, quoi. Ah oui, totalement. Ça a été très vite. Un bateau de cette taille-là, finalement, coule très très vite. Quand il connaît rien. Et il y a des et le Titanic a coulé relativement lentement parce que je pense à son frère le Britannique qui finalement n'a jamais fait de croisière. Il a été réquisitionné comme un bateau hôpital. Il a coulé en à peine 1h10. D'accord. Torpillé par un sous-marin. Ah ok, d'accord. Ok, c'est différent quand même. Mais 1h10, quoi. Et il faisait la bataille. Hein. Oui, non, donc, mais bien. T'imagines bien la vitesse à laquelle. Ouais, c'est clair. Mais vous croyez qu'à l'époque, il y avait les anti-canaux qui disaient on monte pas dans les canaux, on n'a pas assez de recul sur les canaux. Ils ont peut-être dit ça. C'est très bien vu, Morgane. C'est très subtil. Mais peut-être, on sait pas. Peut-être qu'il y avait des gens, il y avait des sceptiques. Ouais, ouais. Ils sont peut-être dit « Ah, les canaux, non, c'est trop rapide !» On sait pas. On risque de tomber. On risque de tomber, on sait pas, on risque de couler. Non, mais bon, voilà. Du coup, c'était pour... Petit clin d'œil avec l'actualité voilà, de notre bien, temps. On aime bien, on adore. On est les nouveaux guignols de l'info, on va dire. non, mais du coup, voilà, c'était ça. Je pense, une de mes scènes préférées, avec la dernière scène du... évidemment je vais pas la voir quand il y a le concepteur du Titanic qui voit pour la dernière fois Rose. Je trouve cette scène plutôt marquante. Ah, c'est vraiment, voilà. Et en plus il pourrait s'en sortir parce qu'il est privilégié. Ouais, non, il décide de, comme le commandant, et d'ailleurs ça a toujours été, ouais. C'est dans c'est la tradition maritime, hein, faut être con d'ailleurs. Moi, si je suis un bateau cool, je m'en vais, moi. Ouais. Non mais dis, simple. C'est quoi ça? Voilà. Le... Ouais. Non non. Mais je trouve ça très beau d'ailleurs. Ouais. D'ailleurs, et la scène juste avant, quand il comprend que, enfin, le moment où il s'en va pour partir, c'est au moment où la femme arrive avec son bébé. Oh là là, oui. Femme qu'on reverra après, oui. D'ailleurs. Je l'ai, oui. Ah ouais. C'est terrible. Ah ouais. Mais c'est très frontal, ça. Hein. Ouais. Un bébé gelé dans les bras de sa maman dans l'eau, bon, c'est affreux, mais en même temps. Véronique Courgeot l'a fait. Oh Morgan, c'est dégueulasse. Putain. Ils étaient deux en plus. Bref. Mais bon. Faut rebondir là-dessus non, après. Non, mais le. Enfin, ouais. De toute façon. Et quand je parle du bateau traité comme un personnage, je trouve que c'est très vrai dans une scène en particulier où, justement, la scène où Rose cherche des secours pour Jack. Et elle se retrouve coincée, elle se retrouve dans un long couloir et le courant, la luminosité baisse. Oui. Et ouais. Le bateau, là, on l'entend vraiment bien. C'est vrai. Et voilà. Et pour moi, cette scène-là montre bien que, bah oui, en fait, le bateau souffre, quoi. C'est ouais. Voilà. Bon, après, c'est mon interprétation à moi, hein, bien sûr. Non, mais c'est totalement ça. Hein. C'est très horrifique. Hein, ah oui, bah de toute façon, James Cameron, on le connaît. Hein. Ah oui, puis alors le visage de Rose collé au mur comme ça fait très alien comme plan. Mmh. Ah ouais, mais il y a des plans qui sont très, enfin, qui font penser à Alien, hein, totalement. Mmh. Il n'a pas commencé par Piranha 2 pour rien. non, mais du coup, voilà, on vous a parlé un peu de nos scènes, de notre scène préférée / nos scènes préférées. Mm-hmm. Et bah, du coup, on va finir sur une question. On verra hein, si on a une réponse ou pas. C'est possible qu'on n'ait pas de réponse. Le cinéma américain ou d'un autre pays décidait de refaire une histoire basée sur le Titanic. Quel réalisateur, réalisatrice, acteur, actrice vous aimeriez voir dessus, en fait, sur le projet, pour vous rassurer du projet, déjà. Eddie. En réalisateur, je sais pas. Après, quand je réfléchis à des idées, alors pour moi, le projet le plus logique, ce serait, et c'est ce que j'aimerais voir, ce serait un documentaire plus... Mmh. Ou un docu-fiction, un petit peu comme Les Fantômes du Titanic, mais alors du coup réalisé par Cameron. Ah ouais, toujours Cameron. Ouais, ouais, parce que je pense que il maîtrise trop bien le sujet, en fait. Ok. Réalisé par Cameron et avec les découvertes récentes, en fait. Voilà. Ok. Qui réunirait tout ça. Et sinon, pour un film, alors réalisé par, j'ai pas de nom en tête, mais qui parlerait des conséquences plus du naufrage. Oui, parce qu'on voit pas trop la suite, en fait, comment dire. Toutes les enquêtes et tout ça, ouais. En fait, les gens qui évoquent le naufrage. Alors peut-être, ou alors peut-être reparler du naufrage, mais d'un point de vue des rescapés, en fait. Je pense que ça pourrait, mais dans la continuité de l'époque, pas quelqu'un, pas une personne âgée qui raconterait son histoire, ça ferait trop écho au film de 97, mais je pense que oui, ça pourrait être intéressant, toute la partie procès. Pour la White Star Line et tout ça, je pense que ça pourrait ça pourrait être intéressant, ouais. D'accord. C'est une très bonne. Mais alors par contre, qui pour réaliser ça, je sais pas. Quelqu'un qui maîtrise assez bien les films de procès. Ouais, et puis les films un petit peu plus Spielberg. Comment dire, un petit peu plus dans oui, alors les films de procès, oui, mais qui maîtrise bien les films avec des ou que ça parle beaucoup sans que ça soit Spielberg. Ben ouais, en fait, je pense à un truc un peu à la Pentagon Papers, ouais. Voilà. Ou alors un truc écrit par Aaron. Ouais, voilà. Ouais. Ça pourrait être vraiment intéressant, je pense. Ah, par contre, pas un truc à la The Big Short, là, le truc, j'ai rien compris avec Adam McKay, là où ça c'était part. C'était bien, c'était sympa. Oh, mon Dieu. Oh, j'ai rien compris. Oui, ça parle. Enfin, ouais, c'est très. Enfin, ouais. Finance, tout ça, c'est compliqué à comprendre. Mais, ouais. Mais je verrais bien un truc dans la même verve un peu que l'échange de Clint Eastwood, un peu dans ce ton-là, quoi, dans quelque chose comme ça. Peut-être Clint Eastwood, par exemple. Mais bon, d'accord. Il commence à vieillir. Ouais. Quoi. Et comment, ouais, il continue. Hein. Il continue, c'est sûr. Clint Eastwood, c'est... Morgan, est-ce que tu as une idée ou pas du tout? En fait, moi, ça dépend parce que... moi, il y a un truc aussi... je pense que Titanic, il y a tellement plusieurs... comment dire, plusieurs catégories sociales... alors, c'est une idée qui m'a été soufflée dans un podcast que j'avais écouté. Et en fait, bah oui, c'est pas une mauvaise idée. Par exemple, ceux qui sont, vous savez, ceux qui sont dans les machines, là. C'est une ambiance très particulière, il fait chaud, tout ça, et voir juste un film un peu en huis clos comme ça, qui jouerait la carte, je prends un exemple, mais Alfonso Cuarón qui maîtrise bien sa caméra, il filme juste les gens qui sont en dessous et les conditions, et parce que eux ils ont pas vu ils ont senti la squeeze et puis ils ont vu l'eau entrer par contre. Voilà, et de le mettre choc thermique, un film, vous imaginez un peu le choc thermique. Voilà, et de filmer justement ces corps qui sont dans la chaleur intense et tout, dans le dur avec labeur et tout. Qui se ferment, par exemple, ça donnerait quelque chose de qui très se ferment et tout. Peut-être avec par exemple justement un background entre deux ouvriers, peut-être qui auront un vécu commun et tout, quelque chose comme ça, peut-être avec une caméra qui joue un peu sur les plans séquences, qui se balade, parce qu'il y a en termes d'architecture c'est assez ouf, vraiment c'est très bon, la caméra qui se balade et tout, puis en même temps Cuarón, je pense qu'il pourrait aussi parler d'humains aussi, créer des enjeux, et dans l'attente vraiment de parce qu'on sait que ça va arriver, de jouer sur l'inéluctabilité de la chose. C'était dur à dire, hein. La chose. C'était dur, voilà. Mais jouer là-dessus, je sais pas. Un mec comme Cuarón, peut-être, je sais pas. C'est vrai que c'est pas con, ça pourrait être sympa. C'est pas une mauvaise idée. Après, ou peut-être un truc sur la construction du Titanic, mais ce qu'il y aura à raconter. Après, ça peut même être plus large, parce que le Titanic, il a deux jumeaux, il a l'Olympique et le Britannique. Le Britannique et le Titanic ont eu des destins tragiques. L'Olympique a quand même fait une carrière, mais ces deux-là, donc il pourrait peut-être y avoir un truc un peu. C'est des bateaux un peu maudits quand même. Ouais. Et il y avait d'ailleurs un roman qui était sorti en fin 1800 et qui parlait d'un bateau comme ça qui, pour sa croisière inaugurale, et qui coulait. Oui, d'accord. Ouais, et c'était limite prémonitoire. Et c'est dingue, c'est assez dingue. Et c'est un vrai truc. Okay. Ouais. Et ça s'appelait Titan, je crois d'ailleurs. Ouais. Donc c'est très fou. Proche. Oui. Le mec, ouais, il a voyagé dans le temps, c'est pas possible. C'est assez impressionnant. Et il y a des enquêtes qui ont été faites. Non, il est pas sorti après. C'est vraiment sorti avant. Ouais. C'est une succession de hasards comme ça. C'est clair. Voilà, je dirais ça, ça pourrait être sympa. Moi je cherchais des noms de réalisateurs et actrices et du coup ça, enfin je rigolais en pensant à genre un film Titanic par Darren Aronofsky, ou tu vois genre un truc mais complètement barré. En plus filmer la foule comme dans Mother. Tu finis, t'as la gerbe à la fin, je pense, hein. La caméra épaule. Ouais. Vous imaginez Gaspar Noé. Non, mais voilà, ce genre de choses, ça me faisait rire. Mais plus sérieusement, honnêtement, je voyais bien Bong Joon-ho qui pourrait, parce qu'il a déjà fait du film spectaculaire avec The Host. Et puis en huis clos. Et Snowpiercer aussi. Je pense à ça. Ouais. La lutte de classe, il connaît parfaitement. Snowpiercer, on le voit bien. C'est dans tous ses films. C'est dans Snowpiercer aussi. C'est très parlant. Voilà. Et du coup, je trouve que un film Titanic, alors bon, je sais pas sous quel angle, j'ai pas trop réfléchi, mais je pense que j'aimerais bien voir le regard déjà de quelqu'un qui n'est pas anglophone, qui n'a peut-être pas. Parce que je pense que le Titanic, c'est quand même une histoire très européano-centrée. C'est très occidental. C'est très occidental. Quelqu'un qui n'est pas du tout qui n'a pas grandi dans ce monde, dans cette culture, qui apporte ce regard, ça, je pense, ça rapporterait un coup de fraîcheur. Comme, par exemple, comme tu as dit, Cuarón, je pense aussi, parce qu'il n'est pas non plus anglophone, tu vois, mais quelqu'un complètement d'étranger à l'Angleterre, l'Amérique. Je pense pourrait être intéressant dessus. Du coup, Bong Joon-ho me paraît, surtout que maintenant qu'il a percé aux États-Unis, on pourrait lui filer les clés d'un gros blockbuster, quoi. Enfin, d'un film avec un gros budget. Avec Snowpiercer, il l'avait déjà fait évidemment, mais c'est pas non plus, c'est pas comparable avec Titanic, quoi. Mais après, l'histoire serait une histoire complètement différente. C'était une idée. Après, c'est sûr que le film de 97 reste et restera, je pense, à tout jamais dans l'histoire du cinéma, comme une pierre angulaire, quelque chose de marquant, D'ailleurs, je regardais avant parce que du coup, enfin, je regardais le box-office français tous les temps. C'est toujours le premier film hein, en France, ouais. je parle. Oui, oui. Même Bienvenue chez les Ch'tis n'a pas réussi à le battre. Ouais, et pourtant, il a été à 200 000 entrées de battre Titanic hein, quand même. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, ça se joue à pas grand-chose. Mais ouais, voilà. Donc, c'est quand même fou. Et Avatar, évidemment, 9e position. Mais ouais, Titanic, c'est un film qui a cartonné et qui continuera d'être cité comme un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Oui, c'est sûr. Voilà, totalement. Voilà, on va conclure doucement. Si vous avez des choses à rajouter, si vous pensez encore à des choses, moi, c'est Morgane, bon. C'est bon. Non. Ok. Bah, bon écoutez, ben, ce fut un plaisir de parler de ce film avec vous, de vous entendre surtout. Toute votre culture sur ce film, ça m'a beaucoup intéressé parce que du coup moi j'en connaissais pas autant et du coup j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que ça a été le cas pour vous aussi, ou alors même si vous connaissez le film par cœur, que vous êtes diverti en écoutant ce podcast. Ce fut un plaisir de le faire. Merci à vous deux d'avoir participé. Plaisir partagé, c'était très intéressant. Bah, nickel. Finalement, j'en avais pas mal parlé avec Morgane du Titanic, mais là, on en a encore parlé différemment. Donc, ça y est, ouais. Non, mais c'est... À tel point que ça y est, j'ai plus envie, le film a dégoûté. Non. J'aurais plus envie de le voir. Non, je rigole. C'est limite, ça n'aurait pas envie de le revoir, moi, mais bon. C'est clair. Mais ouais, du coup, merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. On va vous rappeler un peu où est-ce que vous pouvez nous retrouver. Donc pour Movies Nerd, il y a le site en fait, moviesnerd.net, où vous retrouvez tout, les réseaux sociaux, les podcasts, les critiques écrites, que d'ailleurs Eddie a sorti deux nouvelles critiques récemment, oui, sur Jungle Cruise et sur Cruella, que je vous invite à lire. Je suis un peu à la bourre, mais ça se fait quand même. Elles sont nulles à chier, elles sont nulles à chier, vraiment nulles à chier, j'ai jamais vu ça, c'est vraiment mon dieu, quelle horreur. Franchement, je devrais avoir honte. Non, je rigole, c'est pas voilà. Mais de toute façon, écrire une critique, je crois que... Enfin, t'as un respect, je n'y arrive plus, moi. C'est plus possible. J'essaye de m'y tenir, mais bon. Moi, ça me redonne envie, là. Récemment, mais c'est vrai que j'ai pas eu de mal du tout pour écrire Kaamelott, mais j'ai eu plus de mal pour d'autres films. Ouais. Bah ouais, du coup, faudrait que déjà que je vois un film qui me donne envie d'écrire une critique dessus. Mais c'est ça. Aussi ça. Du coup, moviesnerd.net, où vous pouvez retrouver nos émissions, aussi sur sur YouTube, vous pouvez retrouver tous ces podcasts, Movies Nerd, il y a aussi Jugez-moi coupable, voilà, on devrait faire une émission prochainement, Morgane, normalement, on verra. Si on ne perd pas l'enregistrement. Il a coulé au fond de l'eau, hein, comme le Titanic. C'était à l'ancienne. Ouais. Voilà. Mais faudrait refaire des émissions solo sur des films comme ça. Bah ça, on va pouvoir en programmer, je pense, parce que c'est un... Il y en a un, par exemple, j'aimerais bien, et pour le coup, il dit, va dire, décidément, c'est cadeau. The Tree of Life, ça me plairait bien, moi, d'en parler. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire. Bah oui, moi, je suis d'accord, parce que j'aime aussi beaucoup ce film. À ce moment-là, on en fera un sur Jurassic Park, et que Jurassic Park, comme ça, Gravity. Il y a encore des choses à dire. C'est comme ça, on aura fait les trois premiers films de mon top 10. Non, mais après, il faut faire Gravity pour Morgan. Oui, voilà. Gravity. Il y en a un, alors je sais pas, alors je crois qu'Axel t'aime beaucoup, et Eddie aussi. D'ailleurs, je reçois demain le Blu-ray Steelbook qui est sorti il y a 2-3 jours, édition 4K de La Guerre des Mondes de Spielberg. Ah, bah ça, c'est un film. Ça, ce sera un film à réhabiliter. Et je. Justement. Ouais, je trouve que par rapport à ce que le film est. Même des petits films, par exemple, Le Terminal, qui est un de mes préférés. Il y a des films comme ça qu'il faudrait. C'est une nouvelle émission. Là, forcément, Titanic, on est. Destiné à ce genre de film-là. Voilà, donc, c'est aussi moins long à préparer que de voir 5 films d'une saga ou alors voir plusieurs films aussi, c'est juste un seul film, donc c'est beaucoup plus simple pour nous aussi à enregistrer. Voilà, préparez-vous à en voir un peu plus dans le futur ce genre de format. Voilà. On va dire que c'est les bonnes conséquences de la pandémie. Ouais, voilà. Exactement. Hein, voilà. Faut voir le positif dans tout, bon ben on fait comme on peut. Oui, oui, voilà. Du coup, je disais que sur YouTube, vous pouvez retrouver nos émissions. Donc n'hésitez pas à aller checker ça sur toutes les podcast sur toutes les plateformes de podcast pardon disponibles. Donc il y a Apple Podcast, évidemment vous pouvez nous noter, il y a PodCloud, il y a Google Podcast, enfin voilà, on est un peu partout. Il y a pléthore. Exactement. De Spotify, Deezer, j'ai oublié de dire, mais je pense que c'est un peu les là où les gens vont en général, je sais pas, mais du coup moi dernièrement c'est là où je vais du coup sur pour mes podcasts, mais je devrais pas le dire, c'est pas bien. Je devrais soutenir les applications indépendantes, mais j'ai envie d'avoir une seule application pour tout et du coup voilà, je suis fainéant, désolé. Du coup vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Twitter c'est movies_nerd, sur Facebook c'est moviesnerd, sur Instagram moviesnerd_officiel. Nous contacter par email contact@moviesnerd.net. Toutes les informations évidemment seront dans la description du podcast, se trouvent aussi sur le site. Pour ma part personnellement vous pouvez me retrouver sur Sens Critique, sur Movies Nerd, sur Instagram aussi, sur Twitter c'est TheLexal, THELEXAL. Voilà. Et du coup bah, je passe la parole à Eddy. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Je vais faire plus court que d'habitude, donc ce sera principalement sur Sens Critique, Twitter et Movies Nerd, et c'est Eastark, voilà, ou Eastark aux origines, je ne sais plus, c'est l'un ou l'autre. Oui, non, je crois que c'est toujours Eastark, hein, sur Twitter c'est oui, je me suis amusé avec mon pseudo. Ah oui, comme il y avait pas Eastark 91 en général, et vous me trouverez. Voilà, exactement, voilà. Et puis de toute façon tous les liens sont dans la description de cet épisode et de tous les épisodes normalement. Et Morgane, du coup? Moi, sur OnlyFans, où je peux arrondir mes fins de mois avec des vidéos privées. Hein, c'est... Non, mais c'est vrai. Non, je rigole, c'est pas vrai. Non, sur Putain, me fais pas rire comme ça, j'ai une espèce d'envie de pisser en plus. On va la jouer sérieux. Non, juste sur Twitter, @cinemorgan, voilà. Ok. C'est pas possible, ça. Très bien. On vous souhaite une bonne fin de journée, si vous l'écoutez en journée, une bonne fin de soirée, si vous l'écoutez en soirée. On peut se dire que pour la on peut mettre un petit extrait de My Heart Will Go On à la fin. Oui, y a pas de souci. Y a que ça pour te faire plaisir. Bah oui, t'inquiète, y a pas de souci. De toute façon, je pense que tu vas peut-être parsemer, enfin voilà. Oui, évidemment, James Horner. Il avait prévu. Et quand même. Quand même. Non, mais du coup, voilà, on vous souhaite que du bien. Et puis on se dit à la prochaine. Salut. Salut. Salut.